Chers auditeurs, bienvenue dans votre super revue de presse, l'autre monde, dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio alternative de l'UQAM. Et nous sommes présents à Montréal et évidemment dans le monde. Nous avons panoplie d'auditeurs qui nous écoutent et puis je vous remercie d'être là chaque semaine et puis de faire en sorte que cette émission devienne de plus en plus connue parce qu'on a besoin d'informations sans détour, sans omission et puis n'ayons pas peur de faire les liens qui doivent être faits. Alors nous sommes écoutés autant en Europe que sur le continent nord-américain et aussi à d'autres endroits. Alors bienvenue à l'autre monde. Nous en sommes à l'édition du 4 avril 2011. Alors nous voilà, nous y sommes au mois d'avril, le printemps a commencé, un printemps radioactif, disons-le. Volontairement et accidentellement radioactif. Oui, pourquoi volontairement? Ben parce qu'on largue des bombes à uranium appauvri comme des places en Afrique du Nord, comme en Libye, et puis au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak. Alors, on utilise des armes à uranium appauvri radioactives et puis on répand des particules radioactives partout sur ces continents, différents continents. Et puis, accidentellement, pourquoi? Ben parce que vous savez bien qu'on est toujours aux prises avec ce Fukushima depuis le 11 mars, alors plus de 3 semaines déjà. Donc, c'est une situation assez grave. Donc, cette semaine, nous allons parler évidemment de cette situation, autant en Libye qu'au Japon. Et puis, on va faire aussi un tour des nouvelles de l'actualité avec un petit regard sur l'économie aussi. Donc, on va parler brièvement d'économie cette semaine. Donc, voilà pour le programme. Alors, la table est mise et puis on va y aller sans plus tarder. Avec, premièrement, ici, une pétition. On dit c'est le printemps, c'est le temps de faire le grand ménage. N'attendons pas une catastrophe comme au Japon. On n'a pas besoin de ça au Québec. Alors, dehors le nucléaire et méfions-nous des pseudo-experts qui disent toujours que c'est sécuritaire au nom de leur profit. Alors, nous avons ici une nouvelle pétition pour l'Assemblée nationale. On vous demande de la faire circuler dans vos réseaux. Donc, c'est une pétition pour fermer la centrale nucléaire Gentilly 2 qu'on veut rénover à grands frais et remettre en service, ce qui est complètement inutile ici au Québec. Considérant que la centrale nucléaire Gentilly 2 arrive à la fin de sa vie utile et qu'Hydro-Québec a décidé de procéder à la réfection complète de cette centrale à des coûts avoisinant les 2 milliards de dollars, ça c'est les coûts officiels qui ont tendance à doubler. Toutes les fois qu'on part un nouveau projet comme ça, soit de rénover ou ben non de construire une centrale nucléaire, considérant aussi que l'exploitation de l'énergie nucléaire constitue un danger permanent pour la santé humaine et l'environnement, comme nous le rappelle la récente catastrophe de Fukushima au Japon, considérant enfin que le Québec se trouve actuellement en surplus de production d'électricité et que les besoins énergétiques du futur pourrait être comblé autrement que par le nucléaire. Et puis rappelons que Gentilly 2 n'apporterait que 1 ou 2 % de l'énergie nécessaire au Québec. Alors, c'est vraiment ridicule pour la quantité d'énergie que ça produit. On n'a vraiment pas besoin de tous ces risques. Alors, la pétition cite, nous, Québécois et Québécoises, demandons au gouvernement du Québec qu'il renonce au projet de réfection de Gentilly 2 et qu'il procède immédiatement à la fermeture définitive et à l'élimination des déchets radioactifs de cette centrale nucléaire. Alors, l'élimination, c'est encore un mot très rapidement dit parce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'éliminer ces déchets-là. Il faut juste les entreposer pendant quelques centaines ou milliers d'années. À part de ça, il n'y a aucun problème. Alors, allez signer ça, petite pétition qui va circuler. Ça va être sur le site Les Nouvelles Internationales où toutes les nouvelles de la semaine sont hebdomadairement mises à jour. Alors, vous les avez à chaque émission. Là, je vous apporte tous les liens des informations dont je discute ici sur l'émission. Alors, n'hésitez pas à aller visiter le blog et puis retrouver toutes les nouvelles et puis les consulter par vous-même. Et profitez-en pour vérifier ce qui est énoncé sur l'émission. C'est vraiment une émission documentée. Alors, toute l'information est là, donc allez le vérifier par vous-même. Il ne s'agit pas de croire ce que je vous dis. Moi, je vous rapporte les nouvelles que je trouve sur Internet qui me semblent être les plus importantes et puis crédibles aussi. Alors, je n'apporte pas n'importe quoi, là. Ce n'est pas des vidanges que je trouve sur des blogs complètement débiles, whatever, là. Donc, c'est des nouvelles de bonnes sources et puis bonnes informations. Allez vérifier, recouper. Donc, ne vous gênez pas, comme je vous dis. Faites pas comme les grands médias vous demandent de tout simplement les croire, de prendre pour du cash tout ce qu'ils vous disent. Alors, non, allez vérifier. Ne croyez pas ce que personne vous dit, que ce soit les grands médias, que ce soit moi ou même les plus grands éminents scientifiques. Faites-vous votre propre idée. Formez-vous votre pensée critique. Alors, dans l'actualité, ben écoutez, en parlant des grands médias, vous avez Fox News qui a perdu 21 % de son audience cette année. Alors, ça a été publié dans le Business Insider et on apprend que, bon, vous avez plusieurs d'ailleurs de ces médias, pas seulement que Fox News, mais disons que la baisse ici est vraiment drastique, disons-le. Et puis, ben voilà quoi, donc on se retrouve avec des baisses significatives. Vous avez Glenn Beck qui est très populaire normalement. Lui a perdu 30 % de son audience comparé au premier quartier de l'année, le premier quart, hein, le premier semestre, si vous voulez, de l'année passée. Et puis, il n'était pas le seul. Vous avez le fameux, comment il s'appelle lui, O'Reilly, qui a perdu 14 % de son audience. Sean Hannity, lui, qui a perdu 19 %. Et voilà quoi. Donc, voyez un peu là, que ces médias-là, justement, sont en perte fulgurante d'audience. Pourquoi? Ben parce que les gens deviennent excessivement fatigués de se faire remplir de demi-vérités, de mensonges et de propagande, n'est-ce pas? Alors, non seulement ça, mais aussi d'omission. Alors, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on rapporte tout simplement pas les nouvelles. Donc, de cette façon-là, on façonne votre perspective, votre vision du monde et puis votre opinion. Donc, voilà, pour les grands médias qui continuent de chuter, les médias alternatifs qui, eux, connaissent des hausses fulgurantes exponentielles de lecteurs et puis de circulation. Donc, c'est évidemment une preuve que les gens cherchent par eux-mêmes à s'informer, puis c'est très positif, quoi. Donc, c'est évidemment que dans tous les médias, que ce soit les médias officiels ou les médias alternatifs, il y a tout le temps du bon et du mauvais. Donc, il s'agit de, comme je vous disais, utiliser votre pensée critique et puis d'y voir clair à travers ça. Alors, choisissez les bonnes sources et puis les autres, ben laissez-les tomber, c'est pas plus grave. Dans une autre nouvelle, si on apprend que la Chine va très bientôt dépasser les États-Unis comme étant une puissance scientifique, alors ça aussi c'est assez intéressant. On dit qu'en 2013, selon la Royal Society d'Angleterre, ils ont mené eux autres une étude majeure et puis on a trouvé que effectivement la Chine va bientôt se positionner en premier au niveau de si vous voulez, de l'avancement scientifique, donc de la puissance scientifique et puis des innovations scientifiques. Alors voilà qui est un autre signe, quoi, de la demise des États-Unis. Pourquoi? Ben parce qu'aux États-Unis, malheureusement, au lieu d'investir dans le peuple, au lieu d'investir dans l'innovation, au lieu d'investir dans la paix, Au lieu d'investir dans les technologies qui vont servir tout le monde, on investit tout l'argent dans l'armée et puis dans, si vous voulez, dans Wall Street, dans les poches des grands banquiers. Hein? Donc, tout l'argent du peuple est siphonné et puis est tout simplement donné, si vous voulez, au secteur militaire de l'armement, militaro-industriel, le complexe militaro-industriel et puis évidemment Wall Street, les grands banquiers, autant aux États-Unis que les banquiers internationaux. Alors, c'est là que tout l'argent passe et puis il ne reste plus d'argent pour faire l'innovation et puis continuer à être une puissance. Alors, c'est bien triste pour les États-Unis. Ensuite, écoutez, c'est pas les seuls. Vous avez la Chine, comme je disais, il y a le Brésil aussi, il y a l'Inde qui sont maintenant en train de devenir des rivaux pour des rivaux des États-Unis ou, si vous voulez, au niveau des leaders de la science, si vous voulez. Donc, vous avez aussi d'autres pays comme l'Europe de l'Est et le Japon, incluant l'Iran, la Tunisie, puis la Turquie, qui, eux autres aussi, se rapprochent de plus en plus de la tête et deviennent de plus en plus avancés et puis compétitifs, et non seulement compétitifs, mais je veux dire développés, si vous voulez, au niveau de l'innovation scientifique. Alors, voilà. Ensuite, on a une nouvelle ici qui nous rapporte le fait qu'on a 6 études récemment qui ont été publiées ces derniers mois et puis qui font le lien entre le mercure inclus dans les vaccins contre la grippe et puis les dommages au cerveau causant possiblement des dommages au cerveau et de l'autisme, par exemple. Alors, on apprend ici que les effets toxiques du mercure qui sont aussi contenus dans les vaccins sous forme de thimérosal ont maintenant encore été confirmés cette année, cette fois par des chercheurs de l'Université du Brésil. Et c'est la 6e étude, comme je vous disais, de ces derniers mois, qui condamne l'utilisation de mercure dans la médecine. Et puis, cette nouvelle étude révèle que le mercure cause des dommages au cerveau assez sérieux et qu'il y a des liens à l'autisme et aussi de maladies de développement chez les enfants et puis de l'Alzheimer, des maladies d'Alzheimer chez les adultes. Alors, une autre nouvelle, allez voir. Ensuite, dans le dossier de BP, alors, vous avez des nouvelles qui continuent de sortir qui sont quand même assez surprenantes. En fait, c'est une nouvelle étude qui a été publiée dans Conservation Letters qui révèle que les vrais impacts du désastre sur la vie sauvage ont été gravement sous-estimés. L'étude avance que finalement les chiffres de fatalité qui sont basés sur le nombre d'animaux qui ont été retrouvés, des carcasses d'animaux morts et qui ont été retrouvés, commencent à donner une certaine idée de ce qui se passe, mais encore là, ne donne pas la vraie idée de grandeur de ce qui s'est vraiment passé dans le golfe du Mexique. Puis cette étude rapporte que ces chiffres pourraient être 50 fois plus élevés que ce qu'on croit présentement. Alors, on a évidemment beaucoup sous-estimé, en fait sévèrement sous-estimé le nombre de mortalités de baleines et puis de dauphins selon ce nouveau rapport. Le nombre, on parle juste de baleines et puis ici de dauphins, mais évidemment qu'il faut s'attendre à ce que toutes les formes de vie dans le golfe du Mexique aient pris un sérieux coup et continuent d'en prendre un parce qu'on sait qu'il y a toujours des fuites dans le fond marin du golfe du Mexique. Alors, on retrouve de plus en plus de ces bestioles qui sont échouées sur les côtes. Et puis, récemment, ça a été encore un autre paquet de dauphins qu'on a retrouvés sur des plages morts. Et puis, l'administration Obama fait des tests sur ces dauphins pour voir quelle est la cause de la mort. Et puis, cette administration Obama qui finalement restreint maintenant les trouvailles, les résultats de ces études sur ces dauphins qui sont retrouvés morts. Alors, vous avez bien entendu l'administration d'Obama qui, tout simplement, a interdit la publication des données. On a même, si vous voulez, mise en place ce qu'on appelle en anglais un gag order. En fait, c'est un ordre de silence, et puis on refuse la publication de ces données dans si vous voulez, ce pic de dauphins morts qu'on retrouve. Alors, beaucoup de dauphins morts qui sont retrouvés sur les côtes du Mississippi puis de l'Alabama. Alors, les scientifiques ont reçu des restrictions, alors l'interdiction de divulguer les résultats scientifiques de leurs tests sur ces dauphins morts. Alors, voilà comment l'administration Obama continue de protéger BP. et puis de mettre en danger les populations aussi, et aussi, si vous voulez, empêcher peut-être les choses qu'on pourrait faire pour essayer de sauver ou d'aider toutes ces espèces marines. Alors, c'est assez incroyable. Vous avez évidemment tout le temps des... Bon, ça arrive des fois qu'on retrouve comme ça des... Si vous voulez, des nuées de poissons morts sur des plages, évidemment que certaines personnes vont vous dire, écoutez, ça arrive tout le temps, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que vous devez comprendre que quand on retrouve 200 dauphins morts sur les côtes, tout d'un coup comme ça, qui ont été trouvés depuis la mi-janvier, il y a de quoi se poser évidemment des questions. Alors, vous avez aussi non seulement des dauphins morts, mais des bébés dauphins, alors des nouveaux-nés dauphins. Et puis, ce chiffre est évidemment assez élevé. En fait, on dit qu'il est 14 fois plus élevé que la moyenne. Alors, selon les chiffres qu'on a mesurés entre 2002 et 2007. Alors, voilà. Donc, on continue de protéger BP et puis de révéler la vérité au peuple. Alors, pendant ce temps-là, ben, vous avez les managers, alors les directeurs de BP qui pourraient être sommés en cour et puis accusés de mort d'homme. Alors, vous avez ce personnel qui était à bord de la plateforme du Deepwater Horizon qui sont morts. Alors, c'est 11 personnes. Et puis, ces gens-là pourraient être accusés de meurtre. Alors, ensuite, vous avez Transocean, qui est l'autre compagnie qui, elle, opérait le Deepwater Horizon, qui eux autres ont déclaré cette année, écoutez, vous allez bien entendre là, ont déclaré qu'ils avaient eu la meilleure année en termes de sécurité. Oui, vous avez bien entendu. Transocean qui a déclaré dans les médias que cette année, là, ils avaient eu la meilleure année en termes de sécurité et ont donné à ses directeurs des bonus. Alors que on vient de terminer l'année dans laquelle on a eu ce déversement de pétrole historique, cette catastrophe pétrolière dans le golfe du Mexique. N'est-ce pas incroyable? Alors, on a donné à son président, qui s'appelle Stephen L. Newman, plus de 4,3 millions de dollars en bonus cash et puis de stock options. Alors, n'est-ce pas assez incroyable? Pendant que vous avez 11 personnes qui sont mortes dans ce désastre. Et puis, 9 de ces personnes étaient des employés de Transocean, selon Forbes. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là avec cette pseudo-logique absolument incroyable? Donc, allez voir ces dossiers-là. Et puis, alors qu'on nage en plein, on pourrait dire, cover-up, alors on essaie de cacher la vérité, de rendre les choses très, très brouillardeuse. Alors, on n'est pas capable de voir et puis de savoir ce qui se passe réellement. Eh bien, vous avez Obama, lui, qui a reçu un prix pour la transparence lors d'un meeting secret. C'est vraiment incroyable. Alors, lundi dernier, vous avez le président Obama qui a reçu un prix comme ça pour la transparence, qui, ironiquement, lui a été décerné alors qu'on avait un meeting qui était à huis clos, à porte fermée. Un meeting qui n'avait pas été annoncé. Alors, assez spécial, une cérémonie qui a pris place en secret, alors que 2 semaines, on était supposé de le faire devant la presse. Et puis, il y a 2 semaines, on avait carrément annoncé ce truc-là. On a dit, bon, ça va se passer. Finalement, on avait remis à plus tard cette présentation, cette remise de prix de transparence. Et puis, sans aucun avertissement, lundi, on a appelé Obama, Zap, on a fait le petit meeting derrière les portes closes, et puis tout simplement sans photographe, sans reporter dans la pièce, et puis on lui a donné un prix pour la transparence. Alors réellement, c'est le genre de truc comme ça qu'on ne peut pas inventer. Allez voir la nouvelle, c'est ahurissant. Ensuite, là, vous avez un développement au niveau du terrorisme. Ça fait quelques semaines qu'on en parle aussi. On a ce fameux employé, vous rappelez, Davis, hein, Raymond Davis, qui a été arrêté au Pakistan et puis qu'on avait pris la main dans le sac en train de faire contact avec des éléments extrémistes, possiblement terroristes, avec des gens qui, dans la région, donne des terroristes à la supposée Al-Qaïda qui est entretenue par la CIA. Et puis, Raymond Davis avait pour mission de faire contact avec eux et puis de leur donner des matériaux fissiles nucléaires et des agents biologiques selon les rapports qui ont été publiés. dans différents médias. Et puis, ce monsieur-là, lorsqu'il a été arrêté, a été trouvé en possession de documents de la CIA top secret. Et ben voilà quoi. Donc, ce qui arrive, c'est que là, ce monsieur-là était supposé organiser, à mon avis, et puis ce qui semble être fort probable, selon les éléments qu'on a directement dans notre visage, c'est que lui avait pour mission de commencer à procurer de ce matériel pour simuler une fausse attaque ou une vraie attaque terroriste financée et sponsorisée par la CIA, soit en sol américain ou soit en sol étranger contre des intérêts américains. Alors, puis comme par magie, ben, cette semaine, ce qui vient corroborer ça, eh bien, voyez, vous avez des lettres apparemment, 25 lettres qui ont été envoyées cette semaine, dans les derniers temps. Et puis dans ces lettres, on disait que la CIA avait des bombes nucléaires cachées à travers les États-Unis. Hein? Donc, ça, voyez un peu là, comment qu'on prépare les choses. Après ça, vous allez avoir une bombe sale ou une bombe nucléaire qui va éclater quelque part dans les États-Unis. Puis après ça, on va blâmer l'Al-Qaïda, dire que c'est connecté à l'Iran, blablabla. Et puis on va vous mener en bateau avec ça. Alors préparez-vous, là. On est en train de préparer toutes les choses sur le sol. On est en train de préparer les choses sur le terrain pour que tout ça puisse se dérouler. Alors vous avez toutes les évidences et puis semaine après semaine, vous avez des points qui continuent de confirmer tout cela. Alors, on dit que, à l'intérieur de ces lettres, il a été écrit que l'organisation de l'Al-Qaïda avait planté plus de 160 bombes nucléaires à travers les États-Unis dans des écoles, dans des stades, dans des églises, dans des magasins, dans des institutions financières et puis dans des bâtiments gouvernementaux. Et il a été aussi écrit dans ces lettres que ceci est une mission suicide pour nous. Et ça a été rapporté par CBS Chicago. Alors voilà, alors on est en train de vous préparer, hein, l'idée qu'il y a des bombes nucléaires maintenant à l'intérieur des États-Unis et qu'elles ont été là pendant des années, et puis qu'on a des éléments terroristes, hein, qui sont prêts à les faire détonner, et tout en train de se préparer pour vous préparer mentalement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On prépare des Black Ops. Alors, gardez ça à la tête, à l'esprit, et puis soyez très critique lorsque vous allez voir des trucs comme ça se préparer. Donc, voilà. Et puis, vous devez rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive. En 2002, vous aviez aussi l'organisation, le WorldNet Daily, qui avait rapporté que Bin Laden avait introduit aux États-Unis plus de 20 mallettes contenant du matériel nucléaire à l'intérieur des États-Unis. Donc, vous voyez, on vous prépare constamment, là, et puis à un moment donné, il va arriver de quoi. Donc, allez voir ça. Les scanners dans les aéroports aux États-Unis, selon une étude qu'on vient de publier, une étude de l'Université de Californie, de la Californie, excusez-moi, on raconte dans cette étude-là qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Alors, il n'y a absolument aucun danger. Allez-y. Aucun risque pour la santé. Donc, passer à travers, on dit que les voyageurs pourraient passer à travers 50 fois, passer à travers ces scanners pendant 50 fois avant de recevoir la même dose qu'une radiation provenant d'un rayon X pour les dents. Alors, voyez. On publie des trucs comme ça pour essayer de rassurer la population. Après ça, si vous regardez bien dans la nouvelle, ben, on n'arrive pas à trouver qui a financé cette étude, hein? Écoutez, ce qui arrive, c'est que vous avez plusieurs nouvelles qui ont été publiées par des groupes où on montre que justement les vagues en terahertz déchirent l'ADN, hein? Donc, vous avez des gens qui ont été assez honnête pour publier leur étude. Alors, vous avez par exemple la Technology Review qui a été publiée le 30 octobre 2009 et qui a été publiée par le MIT aux États-Unis qui trouvait que justement les radiations en terahertz endommageaient les systèmes biologiques et puis aussi avaient tendance à déchirer les chaînes d'ADN. Alors, toutes sortes d'évidences comme ça qui montrent que ces scanners-là sont évidemment très dangereux, peut-être potentiellement cancérigènes. Vous avez d'autres nouvelles qui montraient que des fois les machines étaient mal réglées puis donnaient 10 fois plus de finalement d'exposition de radiation voulu. Et puis, après ça, on met tout ça de côté, puis on dit, ben non, il n'y a pas de problème, allez-y, passe au travers. Donc, voilà pour ce dossier-là. Ensuite, Moyen-Orient, ben, vous avez le Tsahal qui se prépare pour des guerres sur plusieurs fronts. Alors, on se prépare avec des simulations de guerre. Vous avez des drills qui sont tenus, qui préparent les forces contre des guerres complètes et totales contre le Hezbollah, contre la Syrie, le Hamas. Ensuite, ben, vous avez Olmert, lui, qui a déclaré qu'une guerre contre la bande de Gaza serait inévitable. Alors, ça a été publié le 31 mars 2011. L'ancien premier ministre Ehud Olmert qui a déclaré que une guerre est inévitable. Alors, le mot est passé. On vous prépare aussi mentalement pendant que maintenant l'attention mondiale est concentrée sur la Libye puis sur Fukushima. Alors, eux autres, on va se préparer à faire opération plomb durci numéro 2. Alors, vous avez Israël ici qui a admis kidnapper un Palestinien. Alors, c'est assez particulier cette nouvelle-là. Ça se trouve à être un Palestinien qui est à bord d'un train dans la ville de Kharkiv. Qui se dirigeait vers la capitale de Kiev en Ukraine. Et puis, vous avez ce Palestinien-là qui a été kidnappé sur le train. Vous avez deux individus non identifiés qui sont montés à bord de ce train et puis qui ont apporté ce monsieur. Vous allez voir dans une autre nouvelle que le monsieur est apparu en cour après ça en Israël. Alors, vous voyez que cette nouvelle-là est bel et bien confirmée. C'est un ingénieur palestinien. Et puis, il a été capturé en Ukraine et puis mis en prison en Israël. Aucune charge n'a été montée contre lui. On ne l'a pas accusé de quoi que ce soit. Et puis, ce que vous devez comprendre de tout ce cas-là qui est assez spécial, c'est que vous avez Israël qui insiste que c'est une arrestation légale. C'est-à-dire que Israël prétend qu'elle a des droits inquestionnables d'aller à l'intérieur de d'autres pays puis de kidnapper quiconque ils veulent. Hein? Donc, nous, normalement, les goyim, on doit aller à travers des processus d'extradition, mais pas Israël. Israël est au-dessus de telle loi. Hein? Alors, et puis vous êtes des sales antisémites si vous dites le contraire. Alors, vous savez, aucun pays dans le monde peut aller dans un autre pays puis arrêter des personnes. Mais Israël se donne le droit de faire et puis le fait constamment. Donc, voilà une nouvelle assez particulière. Vous avez Israël aussi qui a montré une carte qui montre que l'Hezbollah aurait plus de 950 sites établis au Liban. Vous voyez encore là qu'on prépare à démoniser le Liban. Clairement, Israël est en train de se préparer à entreprendre une autre tentative de capturer la rivière du Litani pour mettre la main sur l'eau. Et vous avez maintenant de plus en plus de propagande qui est émise dans les médias pour justifier cette invasion et cette conquête qui se prépare. Et puis, c'est pour ça qu'on parle d'une préparation d'une guerre sur plusieurs fronts. Alors, autant contre la bande de Gaza que le Liban, la Syrie, puis d'autres de ses voisins. Vous allez d'ailleurs voir aussi que l'Égypte, depuis qu'elle est tombée des mains de Moubarak, eh bien, vous avez des gens qui semble ne plus trop s'enligner sur Israël. Vous avez l'Égypte qui a signifié, en fait, qui a blâmé Israël dans son action contre la bande de Gaza, et puis aussi relativement à l'Iran. Alors, si j'ai le temps un peu plus tard dans l'émission, j'y reviendrai. Vous allez voir que ça doit inquiéter beaucoup Israël et puis qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce qui se passe de quoi aussi entre ces deux nations. Israël qui tient des pourparlers secrets avec la Russie dans le but de faire tomber la reconnaissance de l'État palestinien par la Russie. Vous avez la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui, eux, poussent pour faire une annonce de nouvelles initiatives de pourparlers internationaux pour la paix et qui pourrait instituer deux États sur la base des frontières déterminées de 1967. Alors, Israël, qui évidemment commence à paniquer, qui eux autres pensent que eux seuls ont le droit d'exister, mais pas la Palestine. Hein? Donc, les doubles standards tout le temps. Israël aussi pense à des annexions. Alors, on considère annexer la Cisjordanie ou des parties de la Cisjordanie. Alors, plusieurs blocs importants. Et puis, ça aussi, ça s'imbrique dans toute cette peur de voir plusieurs États dans le monde finalement reconnaître et d'instituer un État palestinien. Alors, on essaie de saisir le plus possible de territoire. Et évidemment, c'est toute une claque encore là dans les processus de négociation pour la paix entre les deux États, donc la Palestine et Israël. Donc, voilà Israël qui maintenant est en train d'entreprendre des pas explosivement dangereux, disons, au niveau surtout diplomatique, qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 4 décennies. Puis maintenant, on voit de plus en plus la vraie face d'Israël se révéler. Alors, voilà. Donc, c'est assez clair de voir ce qui se passe. Donc, allez voir ça. Ensuite, vous avez un des chefs des Nations Unies. Alors, en fait, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a poussé Israël et la Palestine, l'autorité palestinienne, vers une solution de deux États et a déclaré que l'occupation faite par Israël des territoires palestiniens est moralement et politiquement insoutenable. Alors, lui, il a aussi appelé Israël à arrêter les constructions dans les territoires occupés. Et puis de mettre fin à toute forme de violence et d'incitement à la violence. C'était rapporté par le Centre pour les nouvelles médiatiques des Nations Unies. Alors, allez voir ça. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et puis après ça, au niveau de l'économie, rapidement, ben, vous avez la Réserve fédérale qui, elle, continue silencieusement d'augmenter on appelle la balance sheet. Alors, si vous voulez, ses finances, quoi, sa page. De comptabilité, et puis on continue de la gonfler, en fait, de gonfler la masse monétaire, et on l'a gonflé de quoi? D'environ 2,75 trillions de dollars par un plan de sauvetage ténébreux, un peu qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé, du secteur immobilier résidentiel et commercial. Alors, on continue d'imprimer de l'argent en malade. Et puis, écoutez, là, vous avez cette bulle commerciale, immobilière commerciale, elle qui a chuté de 3 trillions de dollars en valeur depuis son pic en 2008, alors que celui de la résidentielle, lui, a atteint son sommet en 2006, et puis après ça, ben, s'est mis à chuter, comme on le sait tous maintenant. Alors, maintenant, on imprime de l'argent, on imprime de l'argent, et puis évidemment, ça fait descendre la valeur du dollar américain. Et puis, c'est aussi pourquoi vous voyez le prix des métaux précieux monter en vitesse. Vous avez le chef Lloyd Blankfein, le directeur de Goldman Sachs, lui, qui a vu ses compensations monter à 14,1 millions de dollars. Alors, lui a reçu des bonus pour l'année 2010. Hein? Donc, on reçoit des salaires faramineux, 600 000 dollars. Après ça, des bonus de 5,4 millions de dollars. Et puis, vous avez aussi, évidemment, des parts de stock, hein? Des parts de la banque qui lui sont attribuées d'une valeur de plus de 7,65 millions de dollars pour l'année 2010. Il a évidemment reçu aussi des bénéfices relié à son travail de 328 000 euros. Hein? Et puis, de ce montant-là, vous avez 131 000 euros pour l'utilisation d'une voiture. Alors, monsieur a besoin d'une voiture assez dispendieuse, disons. Et puis aussi de bénéfices médicaux de 44 000 euros. Alors, vous voyez, hein, ces gens-là nagent, pataugent dans l'argent, hein, l'argent incroyable qui finalement est volé au peuple américain. Donc, plus ils en volent, plus les bonus augmentent. Vous avez aussi les bonus chez ING qui ont augmenté. Alors, vous voyez aussi là, les bonus qui augmentent partout chez ces banquiers-là. Pendant que, lui, le marché immobilier continue de chuter. Vous avez 13% de toutes les maisons aux États-Unis qui sont vacantes et qui sont vides. Alors, ça aussi, c'est vraiment encore là des nouvelles qui viennent. Montrer, si vous voulez, le fossé entre les riches et les pauvres qui est en train de s'approfondir et puis de s'élargir. OK? Alors, réellement, là, vous avez les gens qui deviennent en général de plus en plus pauvres et puis les banquiers qui volent leur argent qui deviennent de plus en plus riches. Pendant ce temps-là, les gens perdent leur maison. 13% des maisons sont vides aux États-Unis. Ensuite, au Michigan, ben là, vous avez ces révoltes-là aussi qui ont frappé les États-Unis ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est de couper dans les salaires, dans les bénéfices, on coupe dans les fonds de pension, on coupe partout finalement. Et puis, vous avez les enseignants qui se sont révoltés contre ça, surtout au Wisconsin. Vous avez sûrement entendu parler. Je vais publier d'ailleurs des nouvelles à ce propos-là parce que les révolutions, c'est pas juste au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et vous en avez de plus en plus de mécontentement aux États-Unis. Parlons de mécontentement général de la population. Et puis là, ben, vous avez les républicains au Michigan qui sont maintenant complètement en guerre contre les travailleurs et contre les employés d'État et les enseignants. Alors, on a tout simplement menacé les enseignants de révoquer, d'enlever, d'annuler leur licence d'enseignant si ces gens-là s'en allaient en grève à n'importe quel moment avec leur syndicat. Alors, voilà quoi. Donc, on est en train tout simplement hein, de dire aux gens que vous allez vivre avec moins d'argent pour sauver Wall Street et les banquiers d'aller en prison. Alors voilà, donc c'est pas mal directement dans votre figure. Ensuite, vous avez des économistes de l'euro qui s'attendent à ce que la Grèce fasse défaut sur leur dette. Ça a été rapporté par la BBC. Alors, la Grèce qui probablement va faire défaut sur sa dette souveraine, selon une majorité de répondants à la BBC World Service. Alors, on a interrogé plusieurs économistes européens. Alors, vous avez la banque centrale qui continue d'émettre de l'argent avec des intérêts sans exception. Hein, donc, toutes ces banques centrales privées qui émettent de cet argent-là sont finalement, si vous voulez, une pyramide de Ponzi, disons-le. Hein, donc, c'est pas compliqué, là. Il faut continuer à imprimer de l'argent. Je l'ai souvent expliqué. Et puis, quand on émet de l'argent, ben, c'est de l'argent qui est dû, plus des intérêts. Alors, c'est jamais vraiment de l'argent plus dans l'économie, c'est de l'argent en dette, plus les intérêts. Alors, évidemment que ça ne va jamais s'améliorer tant qu'on n'aura pas changé ce système économique, n'est-ce pas? Une autre nouvelle ici qui parle, bon, justement du stock market qui, lui, regarde de plus en plus mal. Alors, allez voir ça. Vous avez la base monétaire américaine, du dollar américain qui continue de s'amplifier de façon catastrophique. Alors, on imprime tellement d'argent. Vous allez voir le graphique, là. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, on a tout simplement triplé la masse monétaire depuis 4 ans aux États-Unis. Alors, tripler la masse monétaire, ça veut dire que l'argent en soi vaut 3 fois moins. Grosso modo, c'est pas mal ça que ça veut dire. Alors, on continue de pomper de l'argent dans le système. Vous avez la Fed qui a déjà pompé plus de 500 milliards de dollars dans le système depuis le début de 2011. Et puis, c'est loin d'être terminé. Et c'est comme ça qu'évidemment, on crée une inflation, une hyperinflation dans le système. Alors, attendez-vous à voir une hyperinflation et voir le dollar américain chuter de plus en plus rapidement dans les temps à venir. Vous avez ce fameux Lloyd Blankfein qui a été aussi interrogé. Vous avez eu des commissions qui ont été mises en place et puis là, a révélé qu'ils étaient le middleman, alors l'homme du milieu, hein. Donc on disait que ce gars-là, lui, il dit, a déclaré dans ses interrogations que eux, ce qu'ils font, c'est donner un service. Hein, on est un middleman, on donne un service au monde, à la planète entière, et puis après ça, c'est reprendre, c'est-à-dire à nos clients. Hein. Simplement est en train de vous dire que eux autres là sont des parasites, hein? Ce sont des gens qui s'insèrent entre vous et puis la personne avec qui vous voulez faire des affaires et tout simplement deviennent riches sur votre dos. Alors, c'est plus qu'un service qu'ils font, c'est vraiment du vampirisme. Vous avez le Télégraphe qui rapporte que en Grande-Bretagne, on est en train de considérer des solutions pour, si vous voulez, sauver les fonds de pension qui sont en train de se vider. Et qui sont en train d'être vidés par qui? Ben encore par les mêmes requins financiers. Et puis, pour régler ça, ben on est en train de penser à monter l'âge de la retraite à 80. 80 ans. Alors, vous allez prendre votre retraite à 80 ans en Angleterre. Des millions d'employés qui pourraient voir aussi, ben évidemment, c'est ne pas toucher à leur fonds de pension jusqu'à 80 ans, évidemment. Alors, voilà, donc on est en train de vous dire de plus en plus clairement que vous êtes des esclaves économiques. Hein? C'est en train vraiment de se confirmer et puis de se mettre clairement dans votre figure. Alors ouvrez vos yeux, puis le voyez-le. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez des plans d'urgence qui sont en train d'être mis en place à Louisville, aux États-Unis, qui font évidemment sourciller. On parle ici de confisquer des propriétés privées. Alors, voilà une autre preuve, tout simplement, que dans le cas où on aurait un désastre aux États-Unis, que ce soit local ou au niveau fédéral ou au niveau national, on a des plans, autant dans les gouvernements locaux que fédéraux, qui sont en place de confisquer les propriétés privées. Hein? Alors, on voit clairement maintenant que le gouvernement ne sera pas de votre côté, du moins du côté de la population américaine. Je répète, la population, hein, ouvrez vos yeux, le gouvernement ne sera pas de votre côté. Alors, vous avez des plans comme ça de réponse à l'état d'urgence. Alors, s'il y avait un désastre qui se déclarerait aux États-Unis, dans cette ville à Louisville, qui donnerait le pouvoir à la ville de tout simplement saisir les propriétés privées, de saisir les bâtiments dans le cas de crise. Alors, voilà aussi comment que la carte se dessine. Ensuite, dans un autre article qui s'est révélé par la CNBC, eh bien, on apprend que les finances américaines se positionnent presque parmi les pires dans le monde. Alors, c'est une étude qui confirme justement que les États-Unis sont en chute libre. Alors, on regarde les économies des pays les plus développés en termes financiers et aussi de stabilité. Et puis, on voit que les États-Unis arrive en 34e position. Excusez-moi, en 28e position sur 34 pays. Alors, c'est pas très joyeux. En Utah, c'est un État aux États-Unis. Vous avez le Congrès là-bas qui ont finalement voté pour considérer l'or et l'argent comme ayant cours légal comme monnaie. Alors, on se prépare tranquillement. On sait que le dollar américain va disparaître. Et puis, on est en train de réintroduire et rendre légal l'échange de l'or et de l'argent comme monnaie pour faire des achats et puis régler des dettes et faire des transactions financières. Alors, ça aussi, c'est en train de se préparer dans un paquet d'États aux États-Unis. Vous avez la vente des maisons américaines aussi, donc dans le domaine de l'immobilier, qui sont à un point le plus bas depuis 1960. Alors, ça a été rapporté par AFP, la vente des maisons aux États-Unis qui baisse et qui baisse et qui baisse et puis atteint des chiffres vraiment impressionnants où on voit que les chiffres ici de baisse des ventes est de 17 %. Alors, 17 % moins de ventes. Alors, voyez que c'est énorme et puis voyez vraiment que l'économie américaine est complètement figée. Ici, vous avez un professeur en finance de l'immobilier qui s'appelle Anthony Sanders, lui qui a déclaré que justement le marché de l'immobilier a littéralement chuté, s'est effondré et il n'est pas prêt de reprendre, si vous voulez, même cet été. Puis là, vous avez des graphiques qui vous montrent les chutes catastrophiques et aussi en termes de perte de valeur de ces propriétés-là. Alors, voilà. Vous avez le Portugal aussi qui fait face à un écroulement du gouvernement par rapport à sa dette. Alors, vous avez un vote là, sur la dette qui était censé être tenu. Ça doit être fait en ce moment. Et puis, ben, vous avez le gouvernement du Portugal là, qui pourrait faire face à un écroulement. Et puis, évidemment qu'on veut essayer de mettre en place des politiques d'austérité sévères contre le peuple. Et puis, le peuple lui refuse de payer pour les banquiers. Alors, ça, c'est une vague qui est en train de balayer la planète. De plus en plus de populations se réveillent puis comprennent qu'ils sont carrément lavés et volés par ces grands banquiers. Puis après ça, il faudrait serrer la ceinture dans des mesures d'austérité pour les sauver, pour payer pour ces pauvres banquiers qui nous ont lavés et ont fait s'écrouler ce système financier. Vous avez Greenspan qui a admis que la Fed est au-dessus de la loi et puis ne répond à personne, finalement. Alors, allez voir ça, une autre preuve que justement, hein, cette Fed aux États-Unis est une banque privée et qu'elle n'est pas contrôlée par le gouvernement. C'est bien elle qui contrôle le gouvernement et l'économie. Donc, voilà pour le premier volet de l'actualité. Nous, on va faire une petite pause et puis après ça, on revient avec les nouvelles sur le front de la Libye, des révélations assez surprenantes. Alors, restez à l'écoute. Vous allez vous en apprendre des très bonnes cette semaine. Et donc, on va parler de ça, d'un peu ce qui se passe là sur le front de l'Afrique du Nord et puis du Moyen-Orient. on se dirige maintenant avec le dossier des États-Unis, Israël versus ce qui se passe en Libye, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et ça connecte un peu aussi avec ce qui se passe, particulièrement avec la nouvelle ici que je vous rapporte, où on apprend que vous avez ici une avocate américaine, vénézuélienne, double nationalité, qui dit, elle, avoir en sa possession un document qui prouverait que Washington a des plans de s'engager dans des activités subversives au Venezuela, en Libye et dans d'autres régions comme ça pour gagner contrôle sur leurs vastes réserves de pétrole et de gaz. Alors, voilà qui est assez intéressant. On dit que les États-Unis utiliseraient ce qu'on appelle des techniques de guerre irrégulières, alors des stratégies de subversion en Afrique et en Amérique du Sud. Dans une entrevue exclusive avec Press TV, vous avez Eva Golinger qui a déclaré que ces documents incluaient des cartes qui offraient des directions spécifiques et puis des cibles aussi spécifiques. Selon Golinger, le gouvernement américain poursuivrait des stratégies, comme je disais, de guerre irrégulière, de subversion, de pénétration et d'infiltration dans des places qui possèdent des ressources énergétiques stratégiques. Alors, elle a déclaré que, alors qu'elle faisait des recherches, elle a trouvé ce document qui, en même temps, elle a trouvé ce document en même temps que le gouvernement américain était entré en accord avec la Colombie pour augmenter sa présence militaire dans ce pays. Elle a déclaré que elle a trouvé un autre document qui finalement donnait la carte blanche à la force américaine aérienne et aussi au Air Force Command Operation Team d'avoir tout simplement là, de se référer à des besoins essentiels américains d'établir de contrôle, un contrôle de plein spectre. Alors, militaire et de conduire aussi des opérations dans certaines régions, particulièrement en parlant de l'Amérique du Sud. Golinger a averti que Washington avait une série d'agendas de détourner les révolutions qui ont lieu en ce moment dans le monde arabe, en Afrique du Nord, et aussi avait donné l'ordre d'instituer ces techniques-là, de mettre en place une sorte d'opérations comme ça pour instituer des régimes amis et sécuriser ses intérêts à long terme dans ces régions. Alors on dit, elle a déclaré que plusieurs de ces protestations, manifestations qui ont pris place à travers le monde arabe ont été des protestations qui ont été conduites par les gens de leur propre volonté et qu'il est impossible de dire que tout le monde a été évidemment manipulé et contrôlé par le gouvernement américain. Que c'est tout simplement pas vrai. Évidemment, je crois aussi, c'est ce que je répète depuis plusieurs semaines sur l'émission, mais tout comme elle le dit, puis comme je le suis aussi tout à fait d'accord par rapport aux observations qu'on peut faire, c'est qu'il y a aussi très certainement des secteurs à l'intérieur de ces segments de société qui se révoltent, certains secteurs, certains groupes qui ont des relations directes avec les agences du renseignement américain comme la CIA et qui reçoivent du financement de ces agences américaines et aussi de d'autres agences européennes pour promouvoir le type de chaos et de déstabilisation qu'on voit apparaître dans plusieurs de ces pays-là, dont en Libye, et ainsi provoquer un certain type de changement de régime. Alors, je crois que c'est très bien vu, et puis elle dit posséder des documents qui prouveraient tout ça, et ça a été rapporté par Press TV. Elle a aussi déclaré que la présence américaine a aussi s'est fait sentir dans des places en Amérique latine. On parle évidemment de la Colombie, et vous avez une autre cible qui est assez évidente, c'est le gouvernement de Chavez au Venezuela. On veut l'empêcher de gagner les prochaines élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2012. C'est des éléments très importants pour comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser remplir de propagande en pensant que ces manifestations-là étaient uniquement dues à des gens en révolte. Alors évidemment qu'il y a des gens dans ce mouvement-là, dans ces mouvements de révolte qui étaient évidemment authentiquement intéressés, si vous voulez, à se révolter contre les tyrans qui étaient en place, mais vous avez beaucoup de casse et de déstabilisation qui a été faite par justement des groupes qui étaient financés et supportés par des des services secrets comme le MI5, MI6, comme d'autres groupes de différents pays européens, aussi CIA, hein, donc reliés aux États-Unis. Donc, il faut avoir ça dans la tête. Et une autre nouvelle ici, rapportée par Uruknet, où on apprend que le nombre d'enfants qui sont nés en Afghanistan avec des malformations congénitales sont à la hausse. Donc, toutes sortes de déformités assez incroyables rapportées par des docteurs. On est obligé aussi de rapporter un nombre croissant de fausses couches. Tout ça est évidemment dû à différentes choses, dont particulièrement ce fameux uranium appauvri qui est utilisé sur ces théâtres de guerre, alors qu'on l'utilisait un peu partout, autant en Afghanistan, en Irak, en Bosnie que maintenant en Libye. Alors, même chose qui s'est passé à Fallujah, en Irak, où on a vu les États-Unis détonner des grandes quantités d'armes avec uranium appauvri qui est radioactif, qui a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Alors, voilà qui continue d'avoir des effets dans ces pays-là. Et puis, c'est évidemment ce qui se passe en Libye. Alors, ces fameuses guerres humanitaires qui utilisent des armes à uranium appauvri radioactives. Alors, c'est complètement débile, disons-le. Alors, vous avez une autre vidéo qui parle de ça ici, rapportée par certains médias. Alors, vous avez les États-Unis puis la Grande-Bretagne qui ont cette habitude de déployer des armes radioactives un peu partout où ils passent pour aider les gens, hein? Donc, vraiment, ça aide les gens en polluant, radioactivement parlant, leur pays, hein, pour des durées de temps qui sont énormes. Alors, vous avez le premier ministre David Cameron de l'Angleterre qui a révélé qu'ils autres, ils étaient prêts, en fait, qu'ils n'excluaient pas la possibilité d'armer les rebelles qui combattent contre le colonel Kadhafi et ses troupes. Alors, lui, il a déclaré ça dans la Chambre des communes. Et puis, on est en train évidemment, considérer d'armer ces groupes-là. Alors, comme je vous disais, c'est encore des preuves qui montrent que, justement, les fameux rebelles, entre parenthèses, sont des rebelles seulement parce qu'ils ont été mis en place, financés et entraînés par ces différentes agences, ces différents pays. Alors, on pointe du doigt en disant, regardez, les gens se révoltent. En fait, ceux qui se révoltent de façon armée sont des gens qu'ils ont cooptés, alors des gens qu'ils ont infiltrés, qu'ils ont mis en place bien souvent, ou tout simplement qu'on finance et qu'on arme, et puis qu'on dit, allez vous battre contre eux, et puis là, ça a l'air bien terrible quand on voit ça dans les nouvelles, puis il faut aller supporter ces rebelles-là qui représentent le peuple. Alors, c'est évidemment que ces rebelles ne représentent aucunement le peuple. Et comme vous allez découvrir très bientôt dans cette petite chronique sur la Libye, vous allez comprendre des choses assez intéressantes parce que vous avez ces fameux rebelles-là qui ont cette semaine ouvert, déclaré l'ouverture de la banque centrale, d'une nouvelle banque centrale. Alors, on veut remplacer celle de Kadhafi, et puis ça, c'est une nouvelle extrêmement importante qui montre les ficelles qui se cachent derrière toute cette intervention, entre guillemets, humanitaire en Libye. Là, vous allez trouver plusieurs nouvelles à cet effet, où on dit vouloir protéger les civils, et on va le faire en injectant plus d'armement dans le pays et les mettre entre les mains de ces fameux rebelles. Alors, tout simplement que d'aller arrêter Kadhafi ou de l'assassiner ou quoi que ce soit, on est en train tout simplement là, de mettre en place une guerre civile en Libye. Vous avez, dans le sens de cette industrie bancaire de financer, hein, c'est dans leur essence même de financer toutes ces guerres et ces divisions et ces conflits armés, que ce soit des nations, des individus, on les finance pour acheter de l'armement. Et puis, c'est ainsi qu'on crée la dette et puis qu'on prend contrôle de ces pays-là. C'est pas en sachant qui va être le gagnant ou pas. Ça, c'est bien accessoire pour eux autres. En fait, ce qui est important pour l'industrie bancaire, c'est de contrôler la dette qui est ainsi créée. On ne met pas fin à l'injustice en étant injuste. Vous devez comprendre ça. On ne met pas fin au racisme en étant raciste. On ne met pas fin à la haine en étant haineux. Et puis, on rend pas un peuple libre à la pointe d'un fusil. On n'apporte pas la paix en faisant la guerre. Et puis ça, c'est une belle citation de Michael Rivero où je prends plusieurs de mes nouvelles de What Really Happened. Et puis, si je prends le temps de la lire, c'est parce que c'est évidemment, à mon avis, tout simplement le gros bon sens, quoi. Je veux dire, pour pas dire le mot une vérité, là. Hein? Alors, vous avez ici des experts en loi, en justice et puis en loi internationale qui ont déclaré que d'armer les rebelles en Libye n'est pas permis par les résolutions des Nations Unies qui ont été passées. On dit dans cet article du Guardian que les États-Unis contreviendraient à cet embargo des armes contre la Libye du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis que ce serait une brèche, évidemment, cette résolution aussi qui a été passée. Par contre, les États-Unis ont fait la même affaire que l'Angleterre, ont déclaré ne pas écarter la possibilité d'armer ces rebelles libyens. Hein, donc, on le doit bien à Israël, hein, pour avoir un monde plus sécuritaire et puis faire en sorte que, justement, le système central bancaire privé ne s'écroule pas. Alors, il faut le maintenir en place. Alors, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire parce que ça va avoir rapport avec la grande divulgation, hein, une grande nouvelle qui s'en vient dans quelques minutes. Il ne faut pas que le système bancaire central privé ne s'écroule. Il faut le protéger. Bon, je continue. Alors, si la CIA qui est en train de planifier d'armer ces rebelles-là, alors on assiste à un Al-Qaïda 2.0 carrément. C'est la même affaire qui s'était passée alors que vous aviez les opérations de la CIA en 1970, à la fin des années 70, début des années 80, alors qu'on avait armé ces Moudjahidines en Afghanistan pour qu'ils se lèvent contre la Russie. Alors, c'était la trappe russe, quoi, hein, la trappe afghane, en fait, qu'on l'avait appelée, dont Zbigniew Brzezinski s'était vanté plusieurs fois. Alors, c'est un peu de cette façon-là que la CIA a créé l'Al-Qaïda. C'est comme ça que l'Al-Qaïda est devenue une entité terroriste. Alors, on est en train ici de parler de faire la même affaire en Libye maintenant, en armant les opposants à, supposément, les opposants à Muammar Kadhafi. On est en train de créer de cette façon-là une Al-Qaïda 2.0. Vous savez, Obama, lui, qui a autorisé aussi le support de la CIA à ces rebelles libyens. Alors, lui a signé une directive présidentielle autorisant la CIA de conduire des opérations secrètes et de supporter les rebelles en Libye, selon des sources gouvernementales. Vous avez des officiels du gouvernement qui ont aussi déclaré à Reuters vendredi dernier, mercredi dernier, que le président avait signé justement ce qu'on appelle des presidential findings, fait au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Alors ça, on dit que c'est une étape légale nécessaire pour que la CIA puisse conduire des opérations secrètes à l'intérieur de la Libye. Alors, on est en train de faire exactement, de mettre en place exactement ce que Obama avait juré, avait promis aux Américains de ne pas faire, c'est-à-dire de déployer des troupes en sol libyen. Obama avait déclaré, non, non, ça ne sera que des frappes aériennes, on ne va pas mettre un pied au Liban. Il n'y a pas une troupe qui va mettre le pied au Liban. Alors qu'on apprend dans différents articles, vous allez voir ça ici, c'est le New York Times qui a rappelé que la CIA avait des forces sur le sol qui opéraient en sol libyen depuis plusieurs semaines. Alors, voyez un peu le double jeu encore, les mensonges qui ont lieu tout le temps dans ces conflits-là, où on vous raconte une chose puis on en fait une autre. La guerre américaine en Libye a pris plusieurs coups cette semaine alors que des évidences faisait surface que l'administration mentait ouvertement à propos du rôle américain dans le conflit et qu'on conduisait des opérations sous couvert dans le pays depuis plusieurs semaines. Pourtant, lui, le président Obama, a insisté qu'on n'avait aucune troupe militaire, aucun groupe militaire que ce soit qui participait à la campagne libyenne. Sauf qu'on se retrouve avec des petits groupes de la CIA, des opérateurs qui sont sur le sol depuis plusieurs semaines et qui font partie d'une force de l'ombre, si vous voulez, de pays occidentaux, qui font contact avec les rebelles, et leur enseignent, leur apportent de l'information cruciale, prennent l'information cruciale aussi. Et là, vous avez en plus des agents des forces britanniques qui sont là. Alors, vous avez quelques douzaines de forces spéciales britanniques et aussi des officiers du renseignement du MI6 qui travaillent présentement à l'intérieur de la Libye. Vous avez des opérateurs britanniques qui donnent directement, en fait, sont en train de diriger des attaques aériennes à partir de jets britanniques et qui aussi ramassent de l'information, du renseignement à propos de la localisation de colonnes de chars d'assaut du gouvernement libyen, des pièces d'artillerie, puis aussi d'installations de missiles. Alors, on est déjà sur le terrain, quoi qu'on vous en dise. Vous avez plusieurs nouvelles comme ça, je vous dis, vous avez AFP ici, qui rapporte que les États-Unis puis la Grande-Bretagne ont inséré des agents sous couvert en Libye. Alors, vous avez un autre rapport qui parle de ça. Une autre nouvelle, c'est qu'il parle qu'on a des conseillers militaires occidentaux qui deviennent visibles à Benghazi. Alors, à plusieurs endroits, on a vu des signes d'assistance occidentale active sur le sol libyen, en sol libyen. Dans une autre nouvelle, ici, d'ABC, on apprend que des Marines se préparent à être déployés au large de la côte libyenne. Alors, ça, c'est 2 200 Marines qui se préparent à être déployés du camp Le Jeûne. On a publié ça dans les nouvelles. Alors, Obama qui dit qu'on ne va pas avoir aucune troupe américaine sur le sol de la Libye. Alors, pourquoi déploie-t-on 2 220 Marines au large de la Libye? On se demande bien quelle sera la mission de ces Marines. Vous savez, la Air Force américaine qui dépense 4 millions de dollars par jour en munitions en Libye. Vous avez le Pentagone qui a dépensé plus de 550 millions de dollars dans les jours qui ont commencé cette agression de la Libye. Alors, on dépense énormément d'argent. Alors, les vendeurs d'armement sont excessivement heureux. Évidemment que c'est tout le temps ces gens-là qui sont tellement heureux, hein, les vendeurs d'armement et puis les banquiers qui financent ça. Et puis après ça, on apprend ici dans une autre nouvelle que justement, cette élite fantastique a détruit plus de 3 tonnes d'argent. Alors, on parle de l'argent métallique, OK? Métaux précieux, juste la semaine passée. Alors, ces fameuses bombes qu'on envoie sur la Libye coûtent énormément d'argent. En fait, ici, on parle de 600 millions de dollars américains. Alors, vous voyez que les coûts augmentent rapidement. Dans cette nouvelle, on parle de 191 missiles Tomahawk qui ont été lancés sur la Libye et qui était extrêmement intéressant d'apprendre que chacun de ces Tomahawk contient plus de 511 d'argent. On a besoin de ces trucs-là pour les circuits électroniques, parce qu'évidemment, la conductivité de l'argent, la conductivité thermale est excellente. En fait, elle a la meilleure conductivité thermale et électrique. Bien, vous savez, quand on produit chacun de ces missiles, ça coûte excessivement cher. C'est pas loin de 1,5 million de dollars la pièce. Et ils contiennent 511 d'argent. Alors, on utilisait quoi, 191 missiles, et bien, si on fait le calcul, et bien, on a scrappé plus de 3 tonnes d'argent. Alors, ça, c'est de l'argent qui est disparu à tout jamais, qui est tout simplement dispersé en millions de petites pièces. Alors, déjà qu'on commence à manquer de l'argent dans le monde, que l'argent continue à augmenter de prix, bien, imaginez ce qu'on fait avec. En plus, on l'envoie, puis on tout simplement l'anéantit. Vous avez le professeur Michel Chouzovski qui a publié un article sur Global Research qui s'appelle La guerre américaine nucléaire. En fait, c'est une attaque nucléaire qui est planifiée par les États-Unis sur la Libye. Lui rappelle le fait que la guerre contre la Libye est sur les planches à dessin du Pentagone depuis plus de 20 ans. Vous avez depuis ce temps-là, vous avez même l'administration Clinton en 1997 qui planifiait aussi une attaque utilisant des armes nucléaires contre la Libye. Alors, ça fait longtemps que c'est préparé, ces trucs-là. Un autre article, c'est de Global Research, Africom et puis la guerre libyenne. Alors, c'est un analyste ici de l'industrie du pétrole qui a prédit qu'en 2015, les États-Unis vont recevoir plus de 25 % de son pétrole importé, de sources africaines. Alors, voilà aussi qui est très intéressant. Alors, le plus grand producteur de pétrole en Afrique, c'est la Libye avec 87 milliards de barils de pétrole en réserve prouvée et puis encore beaucoup plus en réserve qui sont encore non trouvées. Là, vous avez le Nigeria avec 37,5 milliards de barils, l'Angola avec 13,5 milliards, l'Algérie avec 13,4 milliards et puis le Soudan avec 6,8 milliards de barils. Et puis regardez partout où les États-Unis se trouvent en Afrique. Vous allez trouver une réponse à une grande question, à savoir pourquoi les États-Unis interviennent dans certains pays et puis pas d'autres. Alors, il est assez clair que tout le but d'action militaire américaine en Afrique n'a absolument rien à voir avec des intérêts humanitaires. Et puis, de toute façon, on ne fait pas pleuvoir des déchets radioactifs d'uranium appauvri avec des armes qui condamnent finalement les populations à une mort tranquille et lente. Et puis de déclarer après son action humanitaire. Il n'y a aucune logique, absolument aucune logique à cela, n'est-ce pas? Ensuite, ben, vous avez le chef de l'OTAN, lui qui a ouvert la porte à une occupation avec des troupes sur le sol en Libye. Alors, c'est pas les États-Unis qui vont le faire, eh ben ça sera l'OTAN. Alors, de toute façon, l'OTAN, c'est le bras des États-Unis, donc ça sera la même affaire. Là, vous allez trouver d'autres articles ici qui parlent des rebelles en Libye qui se retraitent d'une attaque contre un port pétrolier. Alors, vous avez toutes sortes de nouvelles ici qui vont un peu vous rapporter de la situation sur le sol. Vous avez des rebelles libyens qui ont offert de baisser les armes, de rendre les armes pour un cessez-le-feu. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. C'est des rebelles qui se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu si Muammar Kadhafi retirait ses forces militaires des villes qui étaient en opposition et puis qui le combattent et de permettre des manifestations pacifiques contre son régime. Alors, peut-être que ces rebelles-là sont en train de se rendre compte que n'importe quoi serait meilleur que de laisser les Américains prendre contrôle de la région. Pensez-y. Un autre article, c'est de Global Research qui parle de la destruction d'un pays et puis du bombardement de cibles civiles. Alors, on rapporte ici des bombes et des missiles qui ont frappé des maisons résidentielles, qui sont tombées proches de des hôpitaux, tellement proches d'un hôpital que vous avez des femmes enceintes qui ont fait des fausses couches, des bébés qui sont morts tout de suite après que ces bombes soient tombées proches des hôpitaux. Évidemment que ça doit être assez énervant. Merci sur les nerfs d'entendre une bombe et puis des missiles tomber un peu partout sur la ville autour des bâtiments, puis des résidences, qui ont d'ailleurs résulté en des douzaines de morts et puis de blessés. Alors, voilà encore là une hypocrisie incroyable qui viennent des pays occidentaux qui disent vouloir aider Obama, qui a tout simplement utilisé la résolution de l'ONU comme un cheval de Troie. Un mécanisme qui est utilisé pour tout simplement prendre le contrôle des réserves de pétrole et d'eau de la Libye. D'ailleurs, il est à se demander qu'est-ce que la Chine va faire aussi dans ce dossier-là. Ça va tout simplement se croiser les doigts et ne rien faire. La Chine qui a été obligée de retirer plus de 30 000 travailleurs qui étaient déjà sur le sol libyen dans des projets de développement et puis de toutes sortes d'accords comme ça avec la Libye. Vous avez la Russie aussi qui s'oppose énormément à ça, qui demande aussi un cessez-le-feu immédiat. Alors, un autre article ici qui parle des bombardements de l'OTAN puis des États-Unis et qui ont tué plusieurs civils à Tripoli. C'est pas joli. Alors, c'est comme ça qu'on aide les personnes. Alors, on blesse et puis on tue des civils qui n'ont absolument rien fait pour vouloir les sauver. Alors, c'est fantastique maintenant. Ces gens-là, maintenant qui sont morts, vont pouvoir voter librement. Hein? Donc, c'est fantastique. Alors, c'est parfait. Hein? Écoute, même s'ils sont morts, au moins ils sont libres, là. Hein? Ils sont libres. Alors, vous allez trouver ça. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle justement de plus de 1 400 sorties aériennes et plus de 700 missiles Tomahawk qui ont été lancés sur la Libye, alors que les sacs à mort civils continuent à s'accumuler. Désolé pour l'appellation, mais c'est vraiment triste de voir ça. Tuer des civils, supposément parce qu'on veut les aider. Je veux dire, moi, ça va me faire dresser les cheveux sur la tête. Ensuite, une autre nouvelle ici assez particulière. Vous avez l'OTAN qui menace les rebelles libyens d'attaque. Le lieutenant-général Charles Bouchard qui a menacé les rebelles le jeudi dernier, déclarant que les avions de l'OTAN pourraient commencer à les attaquer eux aussi s'ils n'arrêtaient pas d'attaquer les civils et de tuer les civils. Alors, ces fameux rebelles qui sont hors de contrôle, non seulement attaquent Kadhafi, mais attaquent aussi les civils. C'est pas incroyable. Alors, l'OTAN a déclaré que vous avez la porte-parole de l'OTAN qui s'appelle Oana Lungescu qui a réitéré son sentiment que l'OTAN va appliquer le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU de façon très large. Alors, dans cet article ici, on parle que l'OTAN ne va sûrement pas commencer à attaquer tout le monde selon le mandat parce que eux-mêmes, selon même un officiel ici catholique à Tripoli, a déclaré que 40 civils ont été tués dans cette ville seulement durant la campagne de bombardement. Alors, ça voudrait dire que l'OTAN, qui elle aussi tue des civils, il faudrait qu'elle s'attaque elle-même selon ce qu'elle vient de déclarer. Alors, comme je vous disais dans les articles que j'ai publiés un peu partout sur Sans-Papiers, les Sept du Québec, les Nouvelles Internationales, Kadhafi tue, ou n'importe quel tyran dans le monde tue de sa propre population, tue des civils, ça c'est mal. Mais quand c'est nous qui le faisons, quand c'est l'OTAN ou l'armée américaine ou l'armée d'Angleterre ou de France ou du Canada, ça c'est correct. Ça c'est correct. Alors, vraiment spécial, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ici une nouvelle assez spéciale. C'est CNN qui parle, est en train de faire un segment sur la Libye. Et puis, vous allez voir dans la capture d'écran et dans la vidéo aussi, je vous ai présenté la vidéo, vous allez voir apparaître en bas d'écran que on est en train de parler de la Libye. Et puis là, c'est écrit The New World Order, le nouvel ordre mondial. On pourrait dire que c'est bien nono un peu de parler de ça. Sauf que vous allez voir que ça s'imbrique très bien dans la partie la plus importante de ce dossier de la Libye. Le nouvel ordre mondial est à l'ordre en Libye. C'est pas la population qui se révolte contre Kadhafi qui est en train de faire tout ce qui se passe là-bas, qui est responsable de tout ce qui se passe, de la révolte, de la violence. Ils sont en train de déstabiliser le pays pour pouvoir mettre la main dessus. Les ressources naturelles dont j'ai parlé jusqu'à date sont importantes. C'est un dossier, c'est un volet important, mais c'est pas le plus important. Si vous pensez que déjà c'est important, attendez de voir. On va vous dire c'est quoi la vraie raison de pourquoi on est en train d'attaquer la Libye en ce moment. Le New World Order, tel qu'écrit directement à l'écran de CNN. Premièrement, la banque qui est possédée, la Banque centrale des États-Unis, la Banque centrale de la Libye, ont encaissé plus de 73 prêts de la part de la US Federal Reserve, de la Fed, dans les 18 mois après que Lehman Brothers Holding Incorporation s'est effondré. Alors, vous avez la discount window de la Fed qui a totalisé plus de 35 milliards de dollars à seulement 0,25 % d'intérêt qui a été prêté de l'argent. En fait, c'est la Fed qui a prêté plus de 35 milliards d'argent à la Banque centrale de la Libye. Pourquoi c'est important? Parce que vous devez comprendre, et vous allez voir dans la prochaine nouvelle, que les globalistes, le nouvel ordre mondial, les financiers internationaux, les banquiers internationaux, dont on retrouve, pas seulement, mais en grande partie, des gens comme la maison Rothschild, intérêts sionistes et juifs. Donc, pourquoi Israël est si impliqué aussi dans ce conflit-là? Pourquoi on ne veut pas que la Libye fleurisse, que la Libye continue dans son chemin de libération de la finance internationale? On apprend ici que la Banque centrale de la Libye était détenue à 100 % par l'État. Alors, on a essayé de faire de la subversion et puis de lui passer de l'argent pour faire en sorte que de plus en plus cette banque centrale indépendante des pouvoirs et des banquiers internationaux privés devienne de plus en plus dépendante de ces derniers. Ça n'a pas fonctionné très bien. C'est un fait qui est très peu mentionné par les politiciens occidentaux et dans les médias. La Banque centrale de la Libye est détenue à 100 % par l'État, n'est pas une banque privée, n'est pas contrôlée aussi par des banquiers privés comme dans tous nos pays, autant français, canadiens, britanniques, allemands, américains, nommez-les. Les globalistes financiers internationaux et puis les manipulateurs de marché n'aiment pas cette situation, évidemment. Et ça a été une des raisons particulières pourquoi qu'on a renversé d'ailleurs Saddam Hussein. En fait, la plupart des pays de l'axe du mal qui a été déclaré par Bush étaient des systèmes financiers complètement indépendants de ces banquiers internationaux privés. Alors, on avait en face de nous une nation complètement indépendante. C'était la même affaire avec la Yougoslavie. Vous vous rappelez, on a attaqué la Yougoslavie encore là selon une guerre humanitaire, des principes humanitaires supposément. Et puis, ce qui achalait bien gros la finance internationale, c'est que la Yougoslavie était complètement indépendante et puis était, si vous voulez, à l'écart du contrôle de ces banquiers internationaux. Le gouvernement actuel libyen crée sa propre monnaie, qui est le dinar libyen, à travers ses presses qu'elle possède dans sa propre banque centrale. Alors, on pourrait dire facilement que la Libye est une nation souveraine, avec de grandes ressources naturelles et qui est capable de soutenir sa propre destinée économique. C'est un problème majeur, disons, pour le cartel des banquiers mondiaux, le nouvel ordre mondial, si vous voulez. C'est que pour faire affaire, pour faire le business avec la Libye, ils doivent faire affaire, ils doivent aller à travers via la Banque centrale libyenne et puis sa monnaie nationale. Ce qui veut dire que ça les place dans une situation où ils n'ont absolument zéro, aucune, niente, nada, aucun contrôle sur la finance et l'économie libyenne. D'où le but de faire s'effondrer, de faire tomber la Banque centrale libyenne de la Libye, qui n'apparaît d'ailleurs nulle part dans les speeches incroyables d'Obama, de Cameron et puis de Sarkozy, mais qui est certainement au sommet de l'agenda globaliste pour absorber la Libye dans son réseau de nations qui se plient à leur agenda, à leur dictat. Alors, ça, c'est un système qui est dangereux pour les globalistes internationaux, un système qui était complètement indépendant. Alors, vous allez voir justement les forces alliées maintenant réformer rapidement le système monétaire en Libye, y pomper des milliards de dollars qui ne valent absolument rien, et puis évidemment, commencer à l'impliquer dans un nombre de cycles chaotiques d'inflation et de déflation. Alors, voilà qui est la vraie cible, une des vraies principales raisons de pourquoi on attaque la Libye en ce moment. Donc, ça, c'est un article très, très, très, très, très important à aller lire. Vous avez d'ailleurs aussi la Libye qui possédait une quantité énorme d'or dans sa banque centrale. Alors, imaginez ce qui va arriver avec tout cet or. Pensez pas que ça va pas être saisi, ça. Donc, on a des quantités d'or incroyables, une banque indépendante qu'on va prendre contrôle. Et puis, on va faire en sorte que justement la Libye maintenant se plie et s'insère dans le nouvel ordre mondial, d'où on parle sur CNN qui est écrit en pleine lettre, en plein écran. Alors, dans la charte bancaire libyenne, eh bien, évidemment qu'un des mandats primaires les plus importants, c'était de réguler la quantité, la qualité et le coût du crédit qui doivent rencontrer certaines caractéristiques, certains standards pour justement protéger la croissance de l'économie puis la stabilité monétaire. Alors, ça, on n'aime pas ça. Et puis après ça, ben, vous avez toutes les autres ressources ici qui sont importantes à contrôler. Donc là, ça, c'est évidemment des nouvelles absolument importantes. Vous allez voir ça. Le Canada, maintenant, qui participe à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend sur le réseau Bloomberg? Eh bien, c'est que les fameux rebelles libyens ont maintenant ont déjà établi une nouvelle banque centrale de la Libye. Vous avez bien entendu, c'est déjà fait. Hey, ça n'a pas été long. Hein? Ça n'a pas été long. La fumée des bombes, c'est même pas encore dissipé qu'on a déjà établi une nouvelle banque centrale. Par qui? Par des rebelles. Alors, voilà, vous l'avez en plein dans le visage, c'est exactement ce qui se passe. Les Libyens rebelles à Benghazi qui ont déjà créé en plus une nouvelle compagnie pour gérer, une compagnie nationale pour gérer le pétrole, qui va remplacer la corporation qui était contrôlée par Kadhafi et dont les avoirs ont été gelés par les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, bing, bada, bang, c'est déjà fait. On a déjà collé une nouvelle banque centrale et puis on a tout simplement on a mis en place une nouvelle institution nationale qui va contrôler le pétrole libyen, enlever ça des mains de la souveraineté de la Libye. C'est assez clair, c'est assez net. On dirait que maintenant, on ne se cache même plus. C'est directement dans votre face. C'est juste que les grands médias ne vous le rapportent pas. Il fallait l'entendre ici sur l'autre monde. Alors, allez retrouver ces nouvelles-là. Et puis, renseignez-vous. Pendant ce temps-là, vous avez le pétrole, lui, qui continue d'augmenter. On a atteint 114 $ le baril, jusqu'à même 119 $ les derniers temps. Dans une autre nouvelle, ici, on apprend que les rebelles libyens vont commencer maintenant à exporter du pétrole très bientôt. Hein? Donc, ils perdront pas de temps, ces gens-là. Vous avez comme ça, du pétrole qui vient des territoires occupés par les rebelles libyens, qui produisent entre 100 000 et 130 000 barils de pétrole par jour. Puis l'opposition planifie maintenant commencer à exporter ce pétrole dans le moins d'une semaine. Alors, ça ne prendra pas de temps, hein? Alors, on dit qu'on pourrait même augmenter la production jusqu'à 300 000 barils par jour, selon Ali Tarouni, représentant des rebelles responsables pour l'économie, la finance et le pétrole, dans une conférence de presse. N'est-ce pas assez incroyable? Et puis après ça, qui sont ces rebelles? Eh bien, on va terminer le dossier avec ça. Qui sont ces rebelles? Eh bien, on apprend que le leader des rebelles libyens a passé plus de la grande majorité de ses 20 dernières années dans une région de la Virginie aux États-Unis. Hein? C'est pas beau, ça? On apprend ça de McClatchy Newspapers. Alors, le nouveau leader de l'opposition militaire libyenne a passé le plus clair de ses 2 dernières décennies dans une région de la Virginie. Et puis, lui s'est senti poussé, même s'il était t'sais, bien avancé dans la soixantaine, de retourner sur le champ de bataille en Libye. Alors, le monsieur qui s'appelle le Khalifa Hifter a déjà été un officier militaire assez avancé dans la chaîne de commandement de Kadhafi. Et puis après une aventure militaire désastreuse au Tchad vers la fin des années 80, Hifter a changé de camp et puis est devenu changé dans le dans, finalement s'est retrouvé dans les camps d'opposition anti-Kadhafi. Dans les années 90, eh bien, lui, il a déménagé en Virginie et puis il a établi sa vie là-bas. Et il a maintenu des liens avec les groupes anti-Kadhafi. Alors, c'est incroyable. Alors, dans les dernières semaines, Hifter a été nommé chef de l'armée rebelle, qu'on a vu semer le chaos un peu partout ces dernières semaines. Ben, écoutez, là, on se retrouve avec cette personne-là à la tête maintenant du mouvement rebelle en Libye. Ce qui est assez particulier, c'est que vous devez comprendre que en Virginie, qu'est-ce qu'on retrouve là? C'est les quartiers généraux de la CIA. Alors, vous allez apprendre à travers ces articles-là que je vous ai mis en place que depuis qu'il est arrivé aux États-Unis en 1990, début des années 90, il a habité dans une région en banlieue de la Virginie à l'extérieur de Washington, D.C. Monsieur qu'on voyait plus ou moins, il semblait pas avoir de travail, tranquille là-bas, aucun problème. Finalement, on se rend compte que finalement, il est fort probable, en fait, que Monsieur Hifter agit comme finalement un agent de la CIA. Ce gars-là, évidemment, habite à quelques blocs de Langley, qui est finalement les quartiers généraux de la CIA. D'ailleurs, vous avez écouté tout un dossier à propos de lui qui a été établi par le Washington Post. On est très familier avec son passé militaire et politique. D'ailleurs, il a été rapporté dans le Washington Post le 26 mars 1996, qu'il décrit comme étant justement un type très important qui a l'idée, qui a dirigé la rébellion contre Kadhafi dans des styles contrats, dans des groupes basés à partir de groupes basés aux États-Unis, qui étaient appelés la Libyan National Army. Alors, toutes sortes de liens comme ça, allez découvrir. Pas le temps de vous en découvrir plus. Vous avez le monde diplomatique qui en a parlé aussi, qui a tracé des connexions à la CIA, même plus tôt que ça, en 1987. Alors, allez voir ça. Donc, vous avez toutes sortes de liens entre, comme ça, un nexus, là, c'est important, ce personnage-là, la CIA et les États-Unis. Vous avez différents personnages comme ça. Allez voir ça. Ça a été décrit, des livres qui ont été écrits là-dessus, rapportés par le monde diplomatique. C'est quand même pas une source, là, de conspirationnistes débiles, là. Hein, le monde diplomatique, quand même. Et puis, vous allez apprendre qu'il y a toutes sortes de liens comme ça. Et qu'on est en train de créer tout simplement une image, une fausse image d'un peuple qui se révolte alors que ça n'a rien à voir avec le peuple. Ce sont des agents de subversion américains, occidentaux, qui sont en place et qui sont en train de faire tout simplement de mettre en place une guerre civile en Libye et puis justifier l'invasion terrestre par les forces de l'OTAN, qui vont être mues évidemment par les États-Unis. Via le Canada, la France, la Grande-Bretagne, avec toute la participation de ces pays-là, ces petits copains. Alors, un autre article ici qui parle de ce silence des médias sur les liens entre le CIA et puis le commandant des rebelles libyens. Très important, vous avez toute la soupe directement maintenant sous les yeux. Allez voir ça, c'est très révélateur et puis ça explique exactement ce qui se passe en Libye. Donc, il n'y a plus d'erreur là-dessus, vraiment. Là, ça n'a rien à voir avec une guerre humanitaire, chers auditeurs. Absolument, absolument rien à voir avec une guerre humanitaire. Donc, allez voir ça. Dernière petite nouvelle ici, je vais vous laisser avec ça. L'Irak, des milliers de tonnes de déchets nucléaires américains qui ont été volatilisés en explosion en Irak à travers l'utilisation d'uranium appauvri dans des munitions. C'est un documentaire ici que vous allez trouver sur Google, un documentaire de 90 minutes qui parle de ça. Très, très, très intéressant. 420 tonnes de d'uranium appauvri qui a été utilisé dans la première guerre du Golfe en 1991. Et puis, durant la seconde guerre qui a commencé en 2003, ben, vous avez 2 400 tonnes d'uranium appauvri additionnel qui a été utilisé. Et puis, l'atomicité de ces 800 tonnes d'uranium appauvri est équivalent à 41 000 bombes Nagasaki qui auraient été détonées en Irak, en termes de radioactivité, de radiation qui est émise. C'est comme ça qu'on va aider ces nations-là. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire au niveau du dossier du Moyen-Orient et puis de l'Afrique du Nord concernant particulièrement la Libye. Alors, on fait une autre petite pause musicale et puis on revient avec le dossier du Japon qui n'a pas fini non plus de se dégrader et puis de surprendre en termes de gravité. Alors, on se retrouve avec ça sous peu. Chers auditeurs, vous êtes de retour pour la dernière partie de cette émission qui va être consacrée à la situation au Japon. Alors, il nous reste environ 20 minutes quoi, pour faire le tour de cette situation-là, ce qui est bien peu. J'ai environ une centaine de pages ici de notes. Évidemment que je vais tout mettre ça sur les nouvelles internationales. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller toute cette masse de nouvelles, écouter les trucs sortent l'un après l'autre et puis on essaie de se faire la meilleure idée possible de ce qui se passe réellement là-bas. Sans verser dans le catastrophisme ou l'alarmisme, là, réellement, la situation est pas drôle du tout. Et puis, on se rend compte que ces radiations-là, ces matières radioactives, se transportent un peu partout à travers la planète. Alors, vous allez trouver différents sites aussi, vous allez voir justement les retombées nucléaires de cet incident, en fait, accident très grave à Fukushima. Et on en retrouve un peu partout dans l'hémisphère nord. Alors, ça se propage à la côte ouest américaine, un peu partout aussi à l'intérieur des États-Unis et puis du Canada. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles là, qui parlent de ces retombées un peu partout. Alors, non seulement autour de la station de Fukushima, vous allez en retrouver aussi un peu partout à travers la planète. Alors, je vous en résume ici très rapidement quelques nouvelles à ce propos-là. Vous avez Business Week ici qui rapporte que les travailleurs de TEPCO sont menacés par ce qu'on appelle des heat bursts. Alors, c'est comme des blasts, là, si vous voulez, de chaleur qui sont émises par probablement justement une fusion nucléaire dans un des réacteurs, ou peut-être quelques-uns de ceux-là. Alors, ça, c'est évidemment un signe très clair là, qu'il y a fusion au moins dans un de ces réacteurs nucléaires sur la centrale nucléaire de Fukushima. Alors, ça, évidemment, que c'est détecté non seulement autour de la centrale, mais à des distances aussi assez impressionnantes où on a des faisceaux comme ça qui sont émis, puis ça les met de la chaleur, et puis ça fait en sorte que les travailleurs sont en danger, puis doivent se retirer. Et si cela devait continuer, ça pourrait faire en sorte que les travailleurs n'aient même plus accès au site, et puis à ce moment-là, la situation pourrait dégénérer de façon incontrôlée. Alors, ça, c'est une nouvelle à aller voir. Et ensuite, ben, vous allez trouver, écoutez, ça, ce que ça veut dire, là, parce que là, vous allez entendre parler un peu peut-être dans les nouvelles ou pas, mais regardez les nouvelles par rapport à ça. On parle ici de flashs bleus éthérés qui sont émis. Ça, c'est des signes très clairs selon plusieurs experts nucléaires, là, c'est confirmé, c'est de quoi qui est connu depuis très longtemps, que ces types de réactions-là, c'est ce qu'on appelle de la criticalité. Alors, on parle ici de criticalité locale, donc qui consiste en des flashs comme ça de chaleur et de radiation, et qui, selon le US Energy Department à Los Alamos National Laboratory website, on dit que c'est de quoi qui, bon, on a déjà eu des cas comme ça où on a eu des accidents de criticalité qui ont tué des personnes, hein, donc depuis 1945 dans différents sites nucléaires à travers la planète, autant aux États-Unis, c'est arrivé aussi il y a quelques années au Japon. Alors, on a des réactions en chaîne nucléaire comme ça qui sont incontrôlées et qui émettent des faisceaux de neutrons comme ça qui se propagent et puis qui, évidemment, sont très dommageables pour la santé. Ces types de réactions incontrôlées-là produisent différents matériaux aussi, comme de la chlorine radioactive. Et qui et sont retrouvés à quelques endroits sur le site de Fukushima, qui vient encore plus, si vous voulez, là, prouver qu'on a réellement des réactions nucléaires incontrôlées qui se passent dans les cœurs des réacteurs, fission très possible, très fusion possible dans ces réacteurs-là. Ensuite, on parle de cette chlorine en plus de détails. Et puis, ici, on parle d'eau radioactive qui se retrouve dans les tunnels sous la centrale et puis qui contiennent des niveaux très élevés de radioactivité qui peuvent aller des fois jusqu'à 1000 millisieverts par heure, alors qui sont vraiment très, très, très élevés, on pourrait dire facilement de 4 à 10 fois plus élevés que ce qu'un travailleur peut prendre normalement là, dans une année. Des quantités très élevées aussi d'eau contaminée se déversent dans l'océan Pacifique, qui contiennent des concentrations de d'iode 131 radioactive, ont été détectées tout au courant de la semaine dans des échantillons d'eau de mer qui ont été prises. Et les premières données ont fait état de radiation qui était 3355 fois les niveaux maximum permis sous la loi. Ensuite, une autre nouvelle parlait de plus de 4000 fois ces taux permis. Alors, un peu plus tard dans la semaine, alors, voyez les taux de radiation qui augmentent. Ensuite, c'est la même affaire, une autre nouvelle ici, on apprend que ça vient aussi du réacteur numéro 2. Alors, des matériaux radioactifs ont été dispersés. Et évidemment que les autorités disent toujours, nous donnent les assurances que ça ne présente aucun danger immédiat pour le public. Alors, l'immédiat n'est pas vraiment le problème, c'est les cancers et les malformations congénitales à la naissance qui, elles, se présentent bien souvent dans les mois et dans les années à venir, qui, évidemment, inquiètent tout le monde. Ensuite, vous avez de la fumée qui montre d'un différent complexe nucléaire aussi qui est environ 10 km de ces réacteurs qui fuient. Alors, vous avez les 6 réacteurs qui sont en problème, qui sont aussi localisés à Fukushima, dont on parle tout le temps. Mais vous avez aussi le fameux opérateur TEPCO qui est responsable d'un autre site, alors qui s'appelle le Fukushima Daini, cette fois-là, pas Daiichi. Et qui, sur cette autre centrale-là, on trouve 4 réacteurs quatre autres réacteurs qui, dans les premiers jours après le fameux tsunami, avaient révélé qu'on avait des problèmes à contrôler la réaction en chaîne dans le combustible et puis qu'on avait eu d'ailleurs des alarmes qui avaient sonné parce qu'on avait eu différentes fumées et puis des taux élevés de radiation qui avaient été mesurés. Alors, vous avez des nouvelles qui parlent de ça et on en parle très peu dans cette on dirait dans cette tragédie à travers les médias et puis de la bouche des autorités. Alors qu'on a eu des radiations à la hausse qui avaient été détectées à cette centrale, alors de Fukushima Daini. Alors on dit qu'évidemment, tout est sous contrôle, aucun problème, blablabla, bla, bla, sauf que ça aussi, c'était gardé à la tête. C'était gardé à l'esprit. Ensuite, vous avez d'autres niveaux très dangereux d'isotopes radioactifs qui ont été trouvés à plus de 35 km de cette centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Alors, on a découvert des éléments radioactifs qui, en fait, ont été retrouvés même en dehors de la zone d'exclusion, d'évacuation qui a été mise en place par le Japon. Alors, des isotopes comme le césium-137 ont été mesurés dans un village par l'Agence d'énergie atomique internationale à des niveaux excédant les standards que l'Union soviétique avait mis en place, avait utilisé pour jauger les recommandations d'abandonner les territoires autour du réacteur de Tchernobyl. Alors, on dit que ces taux-là ont été d'ailleurs trouvés à être le double de ce que les standards soviétiques faisaient état. Alors, voyez que c'est quand même assez important. Vous avez d'autres nouvelles ici qui parlent encore là de l'Agence de l'énergie atomique internationale qui rapporte des très hautes radiations à l'extérieur de la zone d'exclusion. On demande d'ailleurs au gouvernement japonais d'augmenter cette zone d'évacuation. Alors, on a plusieurs comme ça de matières radioactives qui ont été détectées dans des villages, des fois qui sont même situés à 40 km de Fukushima Daiichi. Donc, c'est 20 km à l'extérieur de la zone de 20 km qui a été sommée d'évacuer. Vous comprenez là qu'on est dans une situation assez particulière où on retrouve de l'iode 131, du césium 137 dans les sols et dans des villages qui sont beaucoup plus éloignés. Vous avez Greenpeace d'ailleurs qui a mesuré des radiations extrêmes à 40 km de Fukushima et pas d'évacuation dans ces régions-là. Alors, ces gens-là sont sortis avec leur compteur, et puis vous les voyez dans des vidéos, et puis les concentrations sont excessivement élevées. Alors, vous avez l'autre nouvelle ici de la NHK, dans le réseau de nouvelles japonais, où on parle de ces radiations qui sont 4385 fois plus élevées que le standard légal qui ont été détectés dans l'eau de mer à 330 mètres au sud de la centrale nucléaire. Donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de radiation, beaucoup de diode 131. Et puis, vous avez une autre nouvelle ici de la EPA, ça c'est aux États-Unis, où on trouve encore de cet iode 131 dans l'eau de pluie qui excède les niveaux maximum de contaminants qui est permis dans l'eau potable. Alors, ça c'est assez inquiétant aussi. Vous avez en Pennsylvanie de l'eau de pluie qui faisait état de plus de 3 300 % au-dessus des standards de l'eau potable fédérale. Alors, des standards fédéraux. Alors, ça aussi, c'est assez inquiétant, là. Vous voyez que c'est pas juste des petites quantités, comme on vous dit partout dans les médias. Ça a été retrouvé aussi dans l'eau de pluie du Massachusetts. On retrouve des quantités d'eau très importantes, des quantités de radiation très importantes. Et aussi, vous allez trouver d'autres articles où on parle de San Francisco, qui eux autres étaient à 18 100 %, 18 100 % au-dessus des standards fédéraux d'eau potable. Donc, Pennsylvanie, Massachusetts, San Francisco, on retrouve des quantités assez importantes de ces retombées nucléaires. Et vous allez trouver plusieurs nouvelles qui parlent de ça, documentées par la University of California, Berkeley Department of Nuclear Engineering. Alors, on a toutes fait des mesures très, très crédibles. Alors, allez trouver ça. Les scientifiques qui avertissent que les retombées radioactives nucléaires du Japon sont déjà en fait à des niveaux de Tchernobyl. Alors, vous avez plusieurs scientifiques indépendants qui ont averti que, contrairement à ce qu'on dit dans les médias corporatifs et de la part des gens de TEPCO, qu'en fait, les retombées de matériel radioactif sont au même niveau que Tchernobyl et pourraient même les excéder facilement avec la fête. Vous avez quatre réacteurs qui sont en danger de fission nucléaire à Fukushima. On est loin, on est à des semaines encore de stabiliser la situation là-bas. Le docteur Michio Kaku a déclaré, lui, qu'on avait trois fissions nucléaires qui étaient en cours à Fukushima. Vous avez des nouvelles images satellites qui ont été aussi publiées cette semaine, très intéressantes, qui ont été prises du site de Fukushima. Ça a été pris par Digital Globe et elles ont été prises le 31 mars dernier. Elles sont analysées dans un article ici aussi que vous allez trouver en lien qui s'appelle Les dernières images satellites de Fukushima parle d'une histoire un peu sombre. Pourquoi? Ben parce qu'on se rend compte que finalement, vous avez d'ailleurs des ingénieurs nucléaires, dont Anne Stinger, qui est une experte en imagerie, qui ont analysé ces photos-là. Et puis, on en retire différents enseignements. C'est qu'on a encore des vapeurs qui montent des réacteurs numéro 2, 3 et 4 sur ces photos-là qui sont vraiment très claires. Allez les voir, sont quand même très instructives. On a des quatre réacteurs, des quatre bâtiments dans lesquels logeaient ces quatre réacteurs. Vous en avez trois qui ont été quasiment totalement détruits. Et le quatrième qui a l'air d'être en meilleur état. On voit très peu de forces sur le sol, d'employés, même de bateaux pour pomper de l'eau. On voit sept camions de pompiers qui sont autour à essayer de pomper de l'eau fraîche sur les réacteurs et dans les piscines de combustible utilisées. Dans les photos satellites, on ne voit nulle part dans les environs de la centrale une préparation, donc un point de lancement pour une solution finale ou quoi que ce soit pour essayer de fermer, d'empêcher la radiation de continuer de s'échapper dans l'environnement. Alors, on voit que le gouvernement et puis TEPCO n'est même pas proche, n'est même pas commencé encore là une opération significative ou d'accumuler des matériaux, que ce soit du béton, du ciment, du sable ou quoi que ce soit, pour préparer une solution d'urgence. Alors, on peut logiquement conclure qu'on en est encore à des semaines d'en même en arriver à une stabilisation de base de Fukushima. On a cette vapeur qui s'échappe des différents réacteurs qui pourrait être une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que ça implique que l'eau qu'on injecte pourrait en ce moment être en train de refroidir un peu ce matériel-là, ce qui est une bonne chose. Mais ça peut aussi vouloir dire que le matériel-là est déjà assez chaud pour vaporiser cette eau et qui continue à contribuer à un relâchement de contamination radioactive dans l'environnement et qui pourrait aussi évidemment compliquer l'effort des travailleurs pour essayer de prendre contrôle de cette situation parce qu'à ce moment-là, vous avez de plus en plus de radiation qui est émise par ces matériaux radioactifs dans l'environnement et autour de la station, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on soit obligé de retirer complètement tous les travailleurs et puis que le tout devienne hors contrôle. Donc là, vous avez carrément des admissions du gouvernement japonais, de TEPCO et de plusieurs experts. Alors, ça vient vraiment de toutes les bouches officielles que cette situation-là pourrait continuer pendant des années. Vous avez bien entendu, des années. Ça va sûrement prendre des semaines et on parle du gouvernement japonais qui parle de mois avant qu'on prenne contrôle minimalement de la situation. Alors c'est là qu'on en est. C'est pas de faire du catastrophisme ou de l'alarmisme ou quoi que ce soit ou de propager la peur. C'est des faits. On a détecté, comme je disais, des faisceaux de neutrons, d'iode 134 et puis de chlorine radioactive qui sont aussi des évidences très claires qui supportent l'idée qu'on a encore des événements moins localisés de criticalité. Criticalité qui sont finalement des réactions nucléaires hors contrôle. On détecte d'ailleurs plusieurs éléments radioactifs qui sont normalement dégagés seulement dans un tel type d'événement. Alors, on a vraiment des signes très clairs qu'on a un certain type de fusion nucléaire, que ce soit partielle ou complète, dans ces réacteurs-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement? C'est que vous avez, dans ces photos-là, on voit que certains de ces réacteurs-là sont tellement endommagés que pour se rendre à ces cœurs nucléaires et puis retirer les matières radioactives qui s'y trouvent, ça va prendre un temps énorme. On ne peut même pas envoyer de robots tellement qu'il y a de débris que certains de ces bâtiments-là sont démolis. Alors, on apporte une solution. On a déjà envoyé des mastodontes pompeurs de béton. Les États-Unis en ont envoyé un, devrait être reçu au Japon d'ici ça a un certain temps. L'idée, ça va être de pomper du béton, passer de couvrir ces moteurs-là, ces réacteurs. Et si c'est ça la solution que ces gens-là pensent pouvoir apporter pour régler le problème de la radiation, eh bien, ces gens-là, évidemment, sont dans l'erreur totale parce que ces matières fissiles qui rentrent en fusion à des températures entre 2000 et 3000 degrés Celsius vont continuer de s'échapper vers le bas en se frayant un chemin à travers les fissures, en fondant à travers l'enceinte l'enceinte de confinement qui, d'ailleurs, a été confirmée comme étant fissurée, au moins une est fissurée avec une grande fissure de 20 cm. On a retrouvé de l'eau hautement radioactive sous ces réacteurs-là. Comme je vous disais, dans les tunnels, on a des tonnes d'eau contaminée qui contiennent d'ailleurs des éléments qui proviennent seulement d'une fission. Alors, ce truc-là va continuer de se propager dans le sol et quand il va toucher la nappe phréatique et puis l'eau souterraine qui se trouve à environ apparemment une quinzaine de mètres sous la nappe, en fait sous la centrale, eh bien, on pourrait assister à une chaîne qui pourrait s'emballer puis au contact de l'eau libérer l'hydrogène et puis créer possiblement soit un rejet massif de matière radioactive dans l'atmosphère et dans le sol et dans l'eau. Et donc, éventuellement dans l'océan aussi, mais peut-être aussi possiblement créer une explosion. Alors, ça, c'est évidemment des trucs très, très importants à avoir en tête. C'est pas mal la situation qui se passe autour de ça. Ensuite, ben, écoutez, vous avez plusieurs nouvelles qui parlent. Bon, des radiations qui vont être émises autour de la planète. Alors, vous avez des animations sur les cartes, allez voir ça. Très important de voir dans quelle région vous vous situez. Essayez de rester à l'intérieur, si vous le pouvez, lors des plus fortes retombées radioactives. Des fois, c'est minime, mais comme je vous disais, bien souvent dans les médias, ce qu'on ne vous explique pas, c'est que même si les retombées sont minimes, et même infiniment minimes, il ne suffit que d'une particule ingérée, soit à travers la nourriture, l'eau ou ben non, l'air, dans vos poumons, pour vous causer un cancer ou causer des maladies dégénératives importantes, la leucémie ou quoi que ce soit. Évidemment que les femmes enceintes et les enfants sont le plus à risque. Ensuite, ben, vous avez TEPCO qui a ordonné, qui a reçu l'ordre par l'agence de sécurité nucléaire japonaise d'arrêter d'émettre des chiffres de radiation trop élevés. Alors, on veut revoir tous les chiffres qu'eux autres ils veulent publier. Et puis, on peut commencer déjà, d'ores et déjà, à déclarer que le cover-up a commencé maintenant de façon officielle au Japon. Alors, le gouvernement et les différentes autorités n'aiment pas voir des chiffres émis par TEPCO, comme quoi qu'on aurait des taux de radiation de 10 000 fois les standards admis par le gouvernement, des fois 100 000 fois. Et on a même émis très rapidement une nouvelle qu'on a retirée 10 millions de fois. Hein? Donc, on ne veut pas épeurer les gens, on va contrôler les chiffres. D'ailleurs, les médias, les journalistes des grands médias sont assez imbéciles, sont même pas capables de vous rapporter de quoi qu'il y a de l'allure. Ces gens-là ne connaissent absolument rien en radiation, en radioactivité ou quoi que ce soit. Et puis, ils vous annoncent des nouvelles complètement loufoques qui ne font absolument aucun sens. Vous avez le Boston News qui a révélé qu'au-dessus des centrales, on avait enregistré des radiations de 500 millisieverts. Alors que des radiations de 500 millisieverts, ça ne veut absolument rien dire. C'est complètement. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si les médias vous annonçaient qu'on avait testé un nouveau train qui allait à 100 km, ou qui disait que votre voiture, vous ne pouvez pas conduire votre voiture à plus de 50 km. Mais qu'est-ce que ça veut dire 50 km? 50 km par heure. Un train va à 100 km par heure. Et ces gens-là, ces journalistes du Boston News, et qui ont tiré leur nouvelle qui a été écrite par qui? Écoutez, par Associated Press, AP, donc qui est reprise par une multitude de médias à travers la planète. On parle de 500 millisieverts, sans parler de millisieverts par heure. OK? 500 millisieverts, ça ne veut absolument rien dire. 500 millisieverts de radiation par heure, ah ben là, voilà que ça prend tout un sens. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que les médias, non seulement ne rapportent pas la vérité, mais sont tellement imbéciles qu'ils ne sont même pas capables, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Alors, vous avez des particules radioactives qui émettent des radiations à certains taux, qu'on parle des millisieverts par unité de temps. Alors, si on disait que, par exemple, dans l'air contenait seulement 1000 millisieverts, comme on expliquait par le Boston Globe, eh bien, ça ne veut absolument rien dire, 1000 millisieverts, si on ne parle pas par combien de temps, par unité de combien de temps, vous comprenez? Si on disait, par exemple, que dans l'air, on avait retrouvé des matières à 1000 millisieverts, ça veut dire qu'un coup que les 1000 millisieverts de radiation avaient été émis, ça veut dire qu'il n'y aurait plus rien. C'est ça, la réalité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que la radiation est émise par des particules dans l'air qui peuvent continuer d'émettre des radiations pendant des semaines, des mois, voire des années, peut-être même des millénaires. Tout dépendant de la demi-vie des isotopes radioactifs qui sont contenus dans l'air et dans le sol et dans la nourriture éventuellement. Donc, ça, c'est des petits détails que les médias ne vous rapportent pas. Une autre affaire aussi, un autre exemple ici, comme quoi que justement ces radiations-là, même si sont infimes et sont subites, comme l'explosion d'une bombe nucléaire dans l'air, qui est subite et est instantanée, puis qui n'émet pas de radiation après ça, eh bien, c'est déjà très grave, ça a des effets très pervers sur la santé. Imaginez encore plus trois réacteurs, quatre réacteurs nucléaires, plus des bassins d'entreposage qui contiennent 1 700 tonnes de matière radioactive utilisée, peut faire sur des semaines et des mois, voire des années. Je donne un exemple rapidement avant qu'on se quitte. Vous avez une bombe à hydrogène qui peut prendre une bombe à hydrogène peut prendre des mois pour tuer ses victimes. Et dans ce cas, vous avez, par exemple, le Daigo Fukuryu Maru, qui était à 112 km de la source de rayonnement. Ça, c'est une histoire d'un opérateur de radio qui était sur un bateau qui est mort plusieurs mois après que, en 1954, le 23 septembre, on a fait détonner une bombe. C'était un essai de matière fissile utilisé dans Castle Bravo. Alors, vous avez un bateau japonais qui était à 112 km de là, de la source de rayonnement, qui avait quitté la zone le plus rapidement possible. Un mois plus tard, l'opérateur radio est mort parce que les États-Unis ont refusé de discuter la nature de l'arme testée. Les poissons à bord du Deco Maru et des autres bateaux de pêche ont été vendus sur les marchés japonais, déclenchant une épidémie de maladies reliées au rayonnement radioactif et de malformations congénitales. Alors, les affirmations des médias selon lesquelles les fuites de Fukushima seraient inoffensives sont sans fondement. On arrête tout le temps, hein, on n'arrête pas de vous dire que, oh, des fuites importantes ont été mesurées ici, puis ça, puis là, blablabla, mais c'est sans danger pour la santé humaine. Il n'y a aucun problème. Aucun danger pour l'environnement, pour la sécurité et la santé publique. Alors, vous devez comprendre que la quantité de matière fissile utilisée dans l'essai de Castle Bravo a été moins de 500 kilos. La bombe Little Boy utilisée sur Nagasaki en contenait 64 kilos. Tchernobyl contenait seulement 180 tonnes de matière nucléaire. Le complexe Daiichi de Fukushima au Japon avait un total de 1 760 tonnes de combustible nucléaire neuf et utilisé sur le site selon le dernier rapport de TEPCO. 1 760 tonnes. L'explosion de la bombe était terminée en un instant. Fukushima va continuer de déverser des radiations pendant des décennies, tout comme Tchernobyl l'a fait. Alors, il ne faut pas comparer des patates avec des melons. Il n'y a personne qui le sait vraiment, mais vous avez des gens comme Kate Harmon Snow qui estiment que chaque piscine de combustible utilisée au complexe nucléaire de Fukushima pourrait avoir 24 000 fois la quantité de césium qui a été produite par la bombe nucléaire que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez toutes sortes de propagande absurde pro-nucléaire à propos de Fukushima qui est déversée dans les médias en ce moment. Faites attention. On essaie de vous faire dire que la radiation est votre amie. Non, il n'y a pas de dose sécuritaire. Et puis, comme je vous disais, la situation risque d'être pas mal pire qu'on pense. Il y avait ces autres centrales, dont une à Ibaraki au Japon, qui est un. Vous avez un deuxième réacteur qui est en trouble là-bas. Vous avez des taux de radiation qui ont été mesurés un peu autour, assez élevés, et qui ne viennent pas de Fukushima. Vous avez le réacteur de Tokay, même affaire Tokay numéro 2, qui d'ailleurs a été parlé dans les médias le 13 mars. On a eu des confirmations de problèmes là-bas. Alors, le système de refroidissement s'était arrêté. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Nous autres, on va être obligés de se quitter. C'est pas mal tout pour l'émission. Vous savez, le gouvernement canadien qui a refusé de tester pour les radiations dans le lait dit qu'il n'a pas, ce n'est pas nécessaire. Alors, le gouvernement qui prend soin de nous autres ici, hein, au Canada, même affaire aux États-Unis. On s'attend à ce que les 50 travailleurs qui travaillent à Fukushima meurent. Alors ça, c'était pas mal établi durant les médias. Ils savent aussi, en fait, ils se sont entendus pour sacrifier leur vie pour essayer de sauver le reste du Japon et du monde. Alors, encore une fois, chapeau et puis tous mes respects à ces gens hyper courageux qui vont y laisser leur peau. Puis ben voilà quoi, aller retrouver ça, plusieurs données de TEPCO qui apporte des évidences comme quoi qu'on a des réactions en chaîne périodiques dans l'unité 1 aussi du réacteur numéro 1. Alors, Fukushima qui est au point de non-retour, le cœur radioactif fond à travers le bassin de confinement. La bataille semble être perdue dans ces différents réacteurs, réacteur numéro 1, numéro 2, numéro 3, la piscine dans le numéro 4 qui ne contient pas assez d'eau. On a des craintes majeures de fuites importantes de radiation sur le site, rapportées par le Guardian et puis différentes autres agences de nouvelles. La situation reste imprévisible selon le premier ministre japonais Naoto Kan et la situation est extrêmement sérieuse. La présence de plutonium dans les échantillons de sol est la preuve que des barres de combustible ont été compromises et sont en train de libérer des matériaux dans l'atmosphère. Mais ne vous inquiétez pas, hein, et ne vous préparez pas à rien. Donc, on continue de vous dire qu'il n'y a absolument rien, aucun danger pour le monde. Donc, ça a même affaire, le président Obama est même allé jusqu'à dire aux Américains qu'ils ne devraient pas se préparer à quelque chose, car il n'y a rien à craindre. Plus de nouvelles la semaine prochaine sur ça. Il nous reste 3 semaines ici avant la fin de la saison. Et puis, après ça, on va prendre une petite pause ici à l'autre monde. Votre animateur commence à être un peu vidé, donc je vais prendre une pause de quelques semaines. Là, on va se retrouver très bientôt, mais là, je prends déjà un peu trop d'avance. Là, on va commencer par affiner les 3 dernières semaines. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, restez à l'affût, pensez critique, soyez bien informés. Je vous salue bien bas. François Marginal pour l'Automonde. Ciao.